20h-23h, Mickaël, Goom Radio. Bonsoir tout le monde, effectivement on est là, il est 20h et on est ensemble jusqu'à 23h. Ouais. Ouais, si on arrive à tenir réveillé. Ouais, j'avoue. Ah ouais, je suis dans un état de fatigue là, c'est-à-dire que je suis debout depuis 5h, c'est dur hein. Ouais. En plus, c'est avec l'eau qui ronfle là, je crois que je peux lui mettre une droite. Je crois que j'ai dormi une demi-heure cette nuit moi. Ah mais c'est bien aussi. Ça fait une bonne moyenne. Bah, l'avantage c'est que si tu dors pas beaucoup, bah tu sais, t'es fatigué, tu sais pourquoi. Oui. Parce que là la merde en fait, si tu veux, c'est que le matin je suis tellement en panique, pourtant je mets deux réveils, tu sais, j'ai peur de pas me réveiller, que du coup c'est la merde. Du coup, ouais. Du coup je me réveille toutes les heures, voire deux fois par heure en fait, juste pour vérifier. Elle me saoule. Ouais, je sais. Je suis désolé, mais t'as vu, elle est jalouse. Elle est jalouse. Ouais, je m'en fous. Parle à qui tu veux. Elle est là, elle lisait ma discussion. Je parlais de compte bancaire aux îles Caïmans. Je fais des transferts. Et là, t'es là. Il y avait marqué je te fais des gros bisous. Ouais. À tout à l'heure. Ouais. Tu parles. T'es sympa avec ton banquier. Ouais. Bah, il est cool en même temps. Bah oui, il est cool. Bah oui. C'est le banquier. Alors, moi, je m'endors hyper tard aussi. Je me réveille tôt, mais je m'endors tard à cause de How I Met. J'arrête pas de. Je suis drogué à ça, c'est terrible. Ah, ouais, ça c'est clair. Et ouais. Le problème, c'est qu'ils sont courts les épisodes. Ouais, donc quand ils terminent, tu te dis, oh, je vais aller me retémer un petit dos là, tranquille. Le générique, il dure 2 secondes en plus, c'est pas relou, machin, truc part. Et puis tu fais, ouais, un petit dernier. Et puis tu t'endors jamais. Parce Exactement. Que c'est drôle. Parce que c'est bien. C'est drôle. Bah oui. Moi, j'aime bien en tout cas. Ouais, mais ouais, tu vois, ouais, je trouve ça sympa. Comment va Cécile? Bah écoutez, ça va bien, bien, bien. Moi j'ai bien dormi hier. Eh bah t'as bien de la chance. Je cache pas que je me suis couchée également vers 3h du matin, donc on a très peu dormi. Ouais, mais parce voilà. que je regardais également une série, donc voilà. D'accord, ok. Bon bah très bien. Le corps va bien aussi. Très on bien. On voit Michael. Ce ventre. T'as mec, t'es en noir aujourd'hui et ce ventre ressort, c'est dur. Alors enfin, que non, en l'occurrence, c'est pas dur, mais. En l'occurrence, normalement, le noir mincit. Bah c'est ça, mais c'est pour ça que je le dis que c'est difficile. Je sais. Bah, c'est dingue. On voit pas mon ventre. Ah bah mec, comme t'étais, oui. Parce que j'étais comme ça. Ah bah ouais. Bah enfin oui, bon, enfin même comme ça, c'est pas normal. Bon, comment va Pierre? Qu'est-ce qu'il fout, Pierre? Ça va? Ah, je sais pas où il est encore. Ça va. Ah mais il est en studio, là, il est là-bas, il est bien. Je crois qu'il est en. Il appelle quelqu'un, je crois. Ah d'accord, ok, très bien. Il est en train de faire son. Ouais, je crois qu'il est. Ouais. Sa journée internationale, d'accord, avec un peu de retard. Bon, bah c'est pas grave, hein, on l'aura tout à l'heure. On salue également ceux qui sont connectés là ce soir sur le groupe Facebook. Il y a Eric, il y a Lina qui est dessus, il y a Cécilia, il y a Laetitia, il y a Tania, Laura également, Anthony, il y a Chris aussi qui sont tous connectés sur le groupe Facebook si vous voulez faire pareil. Bah allez-y. Et bah voilà, M-I-K-L officiel, venez sur Facebook. Je vais aller faire un bisou à tout le monde là, je suis sur Facebook. Eh ben écoute, pas de problème, je suis dessus également, tout le monde est dessus, Camille aussi, Marion, Maureen, Chris. Et donc alors le standard, alors faisons un test, est-ce que la ligne normale est réparée ou c'est toujours la mauvaise qui première. Attends, j'essaye, c'est bon. 01 55 64 13 24, j'appelle. Moi j'ai testé. Non mais décroche pas. Enfin si tu peux, c'est limité, je m'en fous. Attends. Ah, ça marche. Attends, est-ce que je m'entends là? Bah non, je peux pas. Allô. Vas-y. Ah bah vas-y. Oui. Allô. Ah bah parfait. Ça fonctionne. Ah bah tu sais quoi, je vais faire une émission comme ça. Ça va? Ah ouais, ça va. Bah rentre chez toi maintenant. Bah ouais, c'est gagné. Oh là là. Je suis bien là. Avec le son est chiant quand même. On peut pas avoir tout ça, au moins on va aux quatre coins de Paris et on fait des vannes et tout. Bah attends, si on a ça, on va pas aux quatre coins de Paris. On va carrément aux quatre coins du monde. Ah bah là oui, avec ça. Ce serait révolutionnaire pour une radio numérique. Exactement. Top. Ah moi je prends l'Australie. Moi je prends Londres. Je peux prendre Cherbourg. Je vais quand même reprendre l'antenne normale. Hein. Champagne-Ardenne, Mika, t'adore. Champagne-Ardenne. Charleville-Mézières. Bon, c'est bien là, Charleville. Moi, la Colombie. La Colombie. Ouais. Pourquoi la Colombie? Hein? Oh putain, j'ai vu un truc, mec. C'était en. Tu parles de. Pourquoi ça saute à chaque fois? Il y a que chez moi que ça saute dans le casque? Non, c'est parce qu'il a pas raccroché. Non, mais ça le fait depuis tout à l'heure là. Ah oui, ça saute dans le casque. Ouais, je sais pas ce qui se passe là. C'est bizarre. Bon, dites-nous si ça saute chez vous aussi. Vous nous dites, parce que je vois qu'on aura un problème. Donc il y a un truc, c'est au Chili, tout à fait dans le sud du Chili. T'as un observatoire en fait pour voir l'espace. C'est juste une tuerie. C'est-à-dire que à cet endroit précis, avec les observatoires, tu peux voir la Voie lactée, quoi. C'est énorme. J'ai vu une photo, j'étais là comme un con. Je me dis putain, faut que j'aille là-bas. C'est bon ça. C'est énorme. Ah ben on y va quand alors? Ah bah je fais réfléchir. Tu me donnes la date, je prends les billets. Ouais. Ah, si tu prends les billets, bah écoute, la semaine prochaine. Non, il prend les billets pour lui, quoi. Ah, oui, d'accord, ok, ouais, c'est ça, ouais, parce que s'il prend les billets pour tout le monde. Oh, c'est mais... Elisabeth qui nous les paye. Oui, bah bien sûr. Non, mais si on lui dit, elle va le payer, hein, cela dit. Hein, mais bon. Eh ben, bon. On lui dit alors. Ouais, bah c'est ça, ouais. On va lui poser la question tout à l'heure pour voir, tiens. Bon, Pierre va bien? Il va bien, il a la forme. Ah bah écoute, j'ai mal derrière la tête un peu là, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est des migraines que je fais. Non, c'est une rupture d'anévrisme que tu vas faire dans pas longtemps. Ah bah c'est bon, sympa, bah, c'est une bonne nouvelle, merci le Corse. Arrête, croise les doigts pour que ça arrive pas ce soir là. Mais j'espère que ça m'arrivera. Que ça arrivera pas à moi, mais qu'à Émilie. Alors qu'elle a rien fait pour l'instant. Elle a rien fait. Autant d'habitude elle est relou, donc je peux comprendre. Non, mais un peu, c'est que ça m'énerve et que ça m'inquiète et que ça me fait trop peur. Donc il veut me faire flipper. Elle est hypochondriaque. Ah ouais, non, mais c'est plus qu'hypochondriaque là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a vraiment des problèmes. Bon, donc voilà, vous venez ce soir nous parler si vous le voulez, n'hésitez pas. Donc vous pouvez appeler le standard au 01 55 64 13 24 et puis ça fonctionne aussi sur le groupe Facebook facebook.com/mikaelofficiel ou encore sur le mail de l'émission, c'est mikael@goomradio.com. Si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus. Camille qui dit yo l'équipe, et eh bien salut à toi Camille. Marion aussi qui dit je me suis couché à 2h du mat parce que je m'engueulais avec ma meilleure amie, un peu moins festif que vous. Faut pas croire que c'est festif, après l'émission on est ravagé, on va essayer, on essaye de dormir avec peine. Pleine nuit on se lève avec peine, enfin, et la journée on est là avec peine. Si tu considères que c'est festif de s'envoyer un gros plat de gnocchi à la crème devant How I Met Your Mother à 2h du matin, c'est que t'as un gros souci quoi. Ouais, mais c'est ça, voilà. Donc, bienvenue dans ma vie. Non mais c'est bizarre. Mais moi j'ai un son dégueulasse là, ça doit venir du casque. Attends, je vais te changer de casque. Non, c'est pas ça le casque. Ça vient pas du casque, ça vient de chez moi. Ça vient d'en haut. Faut qu'on appelle le Blair. À mon avis, c'est un complot. Je vais aller chercher le mini Blair. Non mais va chercher le Blair là, parce qu'il y a rien qui marche. Le Blair. Par contre, le Blair, on a un problème avec le Blair. Ça marche pas. Viens, bouge-toi le cul. Espèce de gros. Alors pour vous expliquer, donc il y a le Blair, c'est le mec qui gère toute la technique, c'est le patron. Puis il y a le sous Blair, c'est celui qu'on vient d'appeler. Oui. Voilà. Alors on peut l'appeler sous Blair. Il y a des problèmes dans le casque là, ça craque. On est d'accord qu'on l'appelle souvent, mais on l'applaudit pas souvent. Il y a des bugs dans le casque. Tout à l'heure, ça m'a dit que j'étais trop élégante en ce moment. Ouais, j'étais trop flattée. Ouais, c'est la Ligue Braille. Il y a un autre truc aussi. Mais ça fait que sauter là. Il y a des problèmes avec le son là. Bon, faut que tu restes à peu près 30 secondes. Voilà, avec tu vois, ça fait clac. Non, mais c'est normal. Fais entendre ta voix au peuple. Ta jolie voix. Bonsoir, le peuple. Bonsoir, c'est bien. C'est directeur d'antenne de Prisme Radio. Qui est une très bonne radio, tout à l'heure on en parlait et j'adore d'ailleurs, son d'ailleurs si vous pouviez tous zapper directement sur Prisme par rapport à la pub quoi. Par rapport à la pub, on va plutôt faire ça comme ça. Pourquoi Prisme? Pas parce qu'ils savaient pas quoi mettre Prism, dedans, parce que c'est Blair. Prism. C'est Prism Radio. Prism. C'est la Prism Radio. Parce que les sons viennent de tous les côtés du monde. T'as vu ce qu'il a dit, le Corse, pourquoi Prism? Et là il a dit parce que c'est un Blair. c'est bon ça. Ça c'est bon. T'entends les problèmes de son là? Pas du tout, oui, non, mais c'est une blague. Ça fait clic clic clic. Si, ça fait clic clic. Non, mais de toute façon, il entend rien. Là. Je sais même pas ce qu'il fait dans ce métier. Il n'entend pas de retard. J'entends rien, moi. Mais vous savez qu'il est sourd en fait. Ah, ça vient de le faire là. Non, mais il a rien entendu. Bon, vous quittez pas, on va tout redémarrer, d'accord? Oh, bah génial. Bon, bah alors nous, on revient dans un quart d'heure. On a le temps d'aller boire un petit verre. On relance Goom Radio depuis le début. Voilà. Donc, il y a une urban légende d'une radio. Depuis le tout début, il y a deux ans. C'est parti, on redémarre le truc à zéro. Là, on va être au top, tu vas voir. Bon, allez, on est parti, nous, quoi qu'il arrive, jusqu'à 23h avec du son également hein, si jamais vous voulez nous envoyer vos messages. Dites-nous si ça coupe chez vous parce que ça se trouve il n'y a que chez nous. Oh, si c'est que chez nous, c'est pas grave. Hein. Ils ont mis le lien de Prism. Oh, c'est trop cool, mignon. Prism Radio. Voilà. Il y a quoi? Nous, on n'entend rien. Pas moi, en tout cas. Il n'y a pas de problème chez moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Marion qui dit jolie voix. Who is it? Ah, bah, c'est le Blair. C'est David. C'est le sous-Blair. Voilà. Mais attends, là, il y a déco et tout, là. David Goom sur Facebook. Non, mais là, ça bug. Tout le monde dit que ça saute chez lui, hein. Ouais, ça saute, c'est chiant, j'avoue. C'est Laetitia qui dit ça. On va devoir arrêter l'émission. Mais David, il est toujours pas en panique. Il est toujours cool. David, non, il s'en branle. Cool, celui qui gère le plus, c'est le Corse. Hein. Ouais, et Corentin qui dit moi aussi, c'est pareil. Il ne bouge pas du tout, mec. Il y a Corentin aussi sur le groupe Facebook qui dit moi aussi, c'est pareil avec les oreillettes, c'est bizarre. Bon, alors ce que je propose, c'est qu'on mette le premier son de ce soir, Bruno Mars avec Just the Way You Are. Oh non, Grenade. Oh mais quelle est lourde. Attends, on est une radio de nouveauté, alors Grenade. Mais Grenade, s'il te plaît, il est en concert le 3 novembre avec Goom. Si on met pas son nouveau son, c'est quand même vraiment des grosses. Nous étions les premiers en plus à le diffuser, donc on met Grenade. Ouais, allez, bah alors on n'est pas l'émission des premiers là. I will catch a grenade. Tu es en premier. Yeah. Tu as pris la classe, Mickaël. On va mettre Bruno Mars avec Just the Way. Tu vois, le problème c'est que calme-toi, patron. Le problème c'est qu'il a pas calé le son là. Allez, vas-y, enlève le son. Mais Grenade, on va chronométrer en combien de temps tu vas le mettre. C'est parti. 20h10, c'est 4 secondes. 6 secondes. 5 secondes. 8. 9. 10. Je l'écris comme une grenade. Je l'écris Grenade, le corps. 13. 14. En merde, 15. Ton prénom, merde. 16. Tu dois dire ton prénom. T'es né où? 18. On est à 20 secondes, là. Ah non, on vient presque. 21. 22. 20 secondes. Bah, enlève-le, on va le mettre autre, hein, de toute façon. Non, mais Just the Way You Are. C'est dégueulasse. Si tu m'aides, non, juste mais pour lui mettre un coup de pression, là. Non, mais Grenade, mais comme il commence à chanter directement, on allait bouffer le début. Allez, vas-y. Bah, mets les deux, hein, sur Bruno Mars maintenant. Ouais, c'est Grenade sur Gaume Radio. Et reste calme le corps, c'est pas grave, hein. C'est pas... Si j'allume le micro une demi-seconde après la fin du disque, y a pas de, y a pas de problème, hein. Le corps se baisse, s'il te plaît, je vais saigner des oreilles. Voilà. Je vais... C'est insu, parce que j'ai le même casque. C'est que... Foubler qui a mis très fort, là. Ah, c'est oui. Pour ça, en fait, hein. Là, comme... c'est même pas qu'il y a de l'écho, c'est que... Oh, bonsoir Mika. Bonsoir Mika. Bonsoir. Bah, moi j'ai pas d'écho, moi. Ah, j'ai un écho de ouf, t'as pas d'écho, le corps? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? C'est toi, il y a un problème. Mon Dieu, je suis en train de mourir. En fait, il y a le problème. Bon, oui, donc il y a quelques personnes chez qui ça marche et quelques personnes chez qui ça marche pas. Donc c'était un problème assez particulier que nous avons, puisque ça fait des espèces de micro coupures comme ça dans le son. Chez nous, ça le fait. Et donc il y en a chez qui disent ouais, il y a pas de problème, et d'autres qui disent ouais, je sais pas ce qui se passe, mais bon. Ah, Cécilia qui dit putain, ça crépite et ça coupe. Oh, le ouais, Blair bon. Fait quelque chose. C'est pas le Blair. Hein. Le Blair est déjà parti. Le Blair, c'est le patron des Blair, et lui, c'est le sous Blair. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à gérer aussi vite. Ah, mais avant dans mon souverain. Casque. Bon, là, c'est, j'ai les échos aussi. Qu'est-ce moi que c'est? C'est un truc. Ah, bah, tu vois, t'as des échos. C'est désagréable, hein. Bah, non, remets le casque, enfin bon. Mais ça fait mal aux oreilles. Ah, ouais, qu'est-ce que ça passe, si t'es à moto, c'est pas parce que t'as mal au crâne que t'enlèves le casque. Le casque est indispensable. C'est pratique parce que je peux me faire une polyphonie tout seul, comme ça. Eh ben, voilà, t'as vu un peu, c'est bien, hein. Bon, et Chris Toff, qui dit, j'aime bien le son, ça change. Cindy, qui dit, venez tous chez moi, ça coupe pas. Eh ben, écoute, t'as de la chance, Cindy, parce que chez nous, alors, quand nous sommes à la radio, ça coupe. C'est juste insupportable. Eh voilà, Cindy. je plaisante, Cindy, je t'en Moi, ça fait des coupes de 2-3 secondes, c'est normal. Non, c'est pas normal, Eric, mais 2-3 secondes, par contre, c'est long, hein. Pauline qui dit le Blair, si dans 10 minutes ça fait encore un son merdique, bah je coupe. Oui, bah coupe pas, parce que lui en fait il s'en branle, hein. C'est nous au final qui sommes dans la merde. Hein. Mohamed qui dit aussi, oui ça coupe un peu pendant la musique aussi, mais bon c'est pas très gênant. Non, bon, enfin bon, c'est quand même relou. Hein. Et puis donc le standard qui remarche, hein, 01 55 64 13 24. Si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas, 01 55 64 13 24, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et puis ça marche aussi, bien sûr, sur le groupe Facebook, facebook.com/mikl officiel. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ah ouais, putain, il y a un nouveau truc en fait qui est sorti. Ah bah voilà, tiens, voilà, les deux Blairs sont là maintenant, ils vont essayer de réparer le bordel là. C'est bien, là on a les doubles. On a le patron des Blairs, on a le sous Blair. C'est le papa et le fils. Ouais, toi tu parles, ouais. Bon, le fils a mangé le papa. Hein. Ouais, ou alors il y a le bon et le mauvais, on va voir. C'est ça. Tu dis que c'est qui le mauvais, toi? Ah bah je sais pas, celui qui va pas réparer. Je pense que c'est les deux qui vont pas réparer. Ah, ouais, bah, j'espère, hein, parce que si le Blair des Blairs n'arrive pas à le réparer, dans la merde, hein, parce que je vois pas qui peut le faire sinon. Donc je disais qu'il y avait un nouveau logiciel en non, fait qui était. Tu disais qu'on t'avait envoyé une photo de toi. Ah, c'est dur. Mais attends, non. Oh, mais comme t'étais gras comme un cochon. T'es pas le gros. Ah, mais non, attends, je vais revoir ça. Ah, j'y si, crois si. Et attends, parce que j'en ai une autre, hein. Je suis habillé, mec. Franchement, je devrais porter plainte contre ma mère. Je vais la voir demain. Je pense que je peux vraiment être très fâché. Alors, j'ai la photo effet. Mais alors, jamais ça arrivera sur Facebook, que ce soit clair. De toute façon, ça ne bougera pas cet ordinateur-là. Non, je vois déjà ceux qui disent, ouais, tu la mets sur Facebook. Jamais de la vie. Donc là, je suis le gros avec la Game Boy. Mais je savais trop que t'avais une tête dur, à avoir hein. été gros quand ah t'étais j'étais jeune. Gros, hein, j'étais gros. Et attends, et après, il y a la deuxième aussi. Hein, ah, y a mais il est vraiment tête, tu vois. Il y a la deuxième où on a fait une photo d'une photo, donc je suis pas cadré, mais par contre, je me souviens pas du tout de ça. J'ai le pantalon qui arrive au-dessus du ventre. Obélix, quoi. Peut-être que c'était en mode Obélix. Ouais, bah exactement. Peut-être que c'était une salopette. Et vous allez voir, j'ai la coupe de cheveux de quelqu'un qui est décédé il y a longtemps. Tu vois là, je suis dans le coin là. Mais du pantalon là, l'horreur du pantalon, le dos. Ah ben j'avais. Non mais comme je devais. Cochon de lait quoi. Mais attends, je comprends que tu dois faire attention à ton c'est grave. Poids parce que tu peux redevenir obèse comme ça. Non, parce que ça va encore. Hein. Je prends pas du poids trop facilement. Mais tu sais que j'ai le fils d'une amie quand il était petit comme c'est ça, très dur, hein. Maternel et tout, il était obèse et maintenant c'est une allumette. Ah parce que j'ai pas montré la photo à Mika la deuxième. Non. Regarde le pantalon là, la hauteur du pantalon. Mais non. What the fuck. Ah c'est dur. Hein. Et la chemise en jeans. Et la... oui je me souviens de cette veste là par contre. Ouais, non, mais je vais avoir 6 ou 7 ans. Là t'as le courage de montrer ça. Hein. Ah bah écoute je viendrai savoir mais ça ne sortira pas. Hein. Vous pouvez demander sur Facebook là vous n'aurez jamais rien. Alors là. Ouais demandez sur Facebook. T'as... Non bah que dalle. Hein. Alors je ne mettrai jamais ça. Alors après je vais entendre parler dans 10 ans je vais encore voir. Il y a Mohamed qui dit Mika envoie la photo. Même pas en rêve. Aline aussi qui dit et tu la mets sur Facebook on veut cette photo. Non plus non. Vous allez voir bah non c'est Thomas qui envoie un message bah non. Et Cécile qui dit partage Mika partage jamais de la vie. Attends c'est quoi aussi Abigail t'en as aussi souffert dit... parce que moi aussi j'étais un petit peu grosse quand j'étais petite et j'en ah bah là, ai souffert c'était au-delà d'un petit peu non quand moi même. J'ai quand une même période bien... où bon, peut-être pas autant parce que là on dirait que t'as mangé tes frères et sœurs mais c'est vrai que d'ailleurs j'ai pas de frères tiens ça se trouve j'en avais eu mais hein, ouais. Pas, m'en souviens mais pas. C'est vrai que c'est chiant quand t'es petit ils sont méchants les enfants. Ah grave. Ah, moi, bah, on oui, me disait la grosse, elle est rouge, descend. C'était horrible. Non mais bien sûr. Mais cela dit, moi j'ai eu des périodes. Hein, j'ai eu des périodes où j'étais juste avant ça, j'étais maigre comme un clou. Même ma grand-mère qui était en train de gueuler sur ma mère en disant ouais, il faut lui donner à bouffer. C'est quand même pas normal qu'il soit si maigre. Puis après, par contre, t'inquiète, j'ai bien retenu mais la leçon de ma grand-mère. Mais t'as eu quelque chose qui a fait que t'as pris du poids comme ça, parce que des fois c'est un traumatisme. Non, bah j'ai juste bouffé. Ah. Non, j'ai bouffé tout simplement, mais tu sais, de la merde, des bonbons, des crasses, quoi. Mais c'est quand de après, tu peux changer de corps. Ouais, je sais, ouais. Puis après, quand j'ai grandi, parce que là, j'étais petit, après, quand j'ai grandi, je suis arrivé vers 11-12 ans, tu sais, j'ai grandi d'un coup. Hop, là, je me suis affiné, j'étais nouveau mince. Puis je me suis dit, ouais, c'est la fête à la saucisse. Hop, j'ai mangé, tout s'est bien passé. Et puis après, boum, j'ai regrossi. J'ai envie de dire, c'est la fête à la mitraillette. Non, parce que figure-toi, à l'époque où je mangeais des mitraillettes très souvent, mais je grossissais pas forcément, en fait. Je sais pas comment ça se fait. Pourtant, c'est que des trucs gras. Ça dépend de ton métabolisme. Moi, quand j'étais jeune, j'étais maigre. Ah, dépend, ouais. Mais alors, mec, j'étais complexée d'être maigre. Et à 20 ans, d'un coup, j'ai gonflé. Et j'étais allée voir mon médecin du travail l'année d'avant. Je vais le revoir l'année d'après. Il me dit, vous avez donc pris 10 kilos en 9 mois. Vous avez eu un malheur dans votre vie. Il est arrivé quelque chose avec quelqu'un de votre famille et tout. J'ai dit non, j'avais faim, donc j'ai mangé. Bah, c'est ça, t'as bouffé, hein. Non, mais oui, mais, et moi, pour l'instant, je faisais le yo-yo entre, 69 et 79,9 kilos. J'ai jamais été au-delà. Hein, 1m combien? 1m60, je sais pas, je dois faire, la dernière fois que je me suis mesuré, c'était 18, 1m78, mais apparemment, je dois faire plus ou moins quelque chose par là, plus ou moins. Donc voilà, et là, je suis à 72, donc ça va, j'arrive à mon record minimum. C'est bien. Ah ouais, c'est encore, bien. Ça. Encore un petit effort et moi, ça devrait aller. Plus petit, c'était pour la même taille, 52. Ouais, mais ça c'est maigre. 52, hein. c'est la peau sur les os. Ah, là, j'étais une griffe, quoi. Ah ouais, mais c'est clair. Il y a Axel aussi qui dit c'est pas grave, mais de toute façon tu peux la mettre. Maintenant tes canons, faut pas avoir honte. Non, mais le problème n'est pas de là, mais c'est gentil parle, pour le compliment. Bah, la photo. Ah d'accord. Calme-toi, c'est ça. Quand j'ai eu peur. Il y a Fabienne qui dit l'adolescence, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Mais non, voilà. Même t'étais plus jeune, t'étais un enfant, t'as 10 ouais, ans. Ouais, là non, j'avais 10 ans, peut-être. Même pas, j'avais 6 ans, je crois. Oh putain, ah ouais, t'en as 25. T'avais vraiment, moi j'étais plus travailleur, quoi. Mais j'en sais rien, faut que je demande à ma mère, je dis ça, mais ça j'étais plus vieux, je sais pas. J'avais 4 ans. Tu portais des soutiens-gorge? Non, mais j'aurais dû, hein, je pense. Hein. Il y a Anthony qui dit. Cher, j'ai trop envie de lui faire des gâteaux. Mais tu sais quoi, tu gardes toujours ta belle gueule. Mais oui, mais ça. Voilà, j'étais, non, j'avais franchement, une tête, t'as une belle ronde, gueule. Mais tu sais, mais alors t'es beau. Ronde comme une balle de foot. Non, mais sans déconner, les ronds, de toutes les manières, ont souvent un très beau visage. Faut arrêter de dire ça. Ouais, mais pas toujours ici, hein. Mais les gros, quand ils grandissent et qu'ils deviennent beaux gosses et tout, je connaissais des mecs comme ça, ils ont trop quand même une mentalité de petit gros. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont toujours un petit gros au fond d'eux. Je t'aime trop, Mickaël. Comme nous, ouais, moi j'ai une petite grosse au fond de moi. Bon, et Mathilde aussi qui dit, mais nous on peut pas la voir, c'est pas drôle. Non, mais justement, vous inquiétez pas, même si vous l'aviez vu, c'était pas drôle non plus, on se voit. Non, c'est triste. C'est juste un malheureux petit garçon qui était gros. et voilà. Tu l'as pas vu, toi, le corse, sa photo? Non. Ah bah, viens voir. Viens voir ça, le corse. Attends, ouais, c'était du dos, hein. On dirait une corse, en fait, un peu, hein. C'était une bête de compétition, hein. Mais tu as vu, toi, ou quoi? Tu es même comme un spaghetti. Non, mais j'étais une bête de compétition, là. Ah ouais, lui, c'est une crevette. J'étais une bête de compétition ou pas? Non, mais tu as la même. Avec une Game Boy, en plus, hein. Par contre, tu as la même tête. Mais non, j'ai pas la même tête. Oui, on voit que c'est moi, mais quand même, j'ai pas la même tête non plus. On te reconnaît, quoi. Non, mais bien sûr, évidemment qu'on me reconnaît. Mais après, t'as des métabolismes qui sont vraiment faits pour être gros, c'est con, hein, mais. Ouais, après, moi, oui. Je vais te manger un McDo, mais je vais prendre vraiment 2 kilos, quoi. Non, moi, ça va, justement, c'est ça l'avantage. Bah, dites-nous d'ailleurs si vous grossissez aussi ou pas facilement, si vous étiez gros, petit, ou l'inverse, mince, petit et gros aujourd'hui, ou donc l'inverse aussi d'ailleurs. Vous nous dites facebook.com/MIKL officiel. Voilà, et Fabienne qui dit allonge-toi sur le canapé. Mickaël, et parle-nous de ton enfance, séance psy. Non, mais ça va, hein, j'ai pas eu de problème dans mon enfance, t'inquiète. Hein. Thomas qui dit. C'était quel âge ta première petite copine? J'avais 16 ans, je crois. Mais un bisou? Non, 15, mais non, mais ma vraie première meuf. Ouais, 16, je crois. Non, ouais, mais en mode. Ça sert à rien, mais ouais, j'avais à avoir 16 piges, ouais. 16 ça ans. Ça va, c'est l'âge normal. Ouais, bah ouais, j'étais ni en avance ni. Moi j'étais 11 ans, mais. Bah, 16 ans, toi t'avais déjà fait des partous et tout. Non, mais lui il avait déjà fait la sodomie. Non, mais moi j'ai embrassé un mec pour la première fois, c'était à 11 ans et demi. Sur la table. Ouais, 12 ans. C'était en colonie de vacances. Ah ouais, bah écoute, c'est avec bien. Avec la langue ou pas? Ouais, mais c'était horrible, j'embrassais vraiment comme bien dans sûr, les films, c'est-à-dire que je tournais la tête avec la langue en même temps. Elle avait fait déjà des anulingus. Moi je m'entraînais à enlever des pelles avec une cuillère comme ça. Ah bah ouais. Attends, je l'ai pas montré à Pierre, parce que comme il était pas là, il vient d'arriver là, une photo de mon enfance. À ton avis, lequel je suis? Alors, et si t'es le plus gros, c'est très dur. C'est ça, ouais. Oh merde. Alors il arrive, si t'es le gros dégueulasse, c'est dur. C'est non, pas impressionnant, c'est Pierre. Mais comment, alors comment ça se fait? T'avais la coupe de Pierre en revanche. Ouais, j'avais la même, mais ouais, j'étais précurseur. Hein. Ou alors c'est lui qui est en retard. Je sais pas, mais. Mais moi, t'étais bouboule comme ça, non? Bah, ça arrive, hein, mec. Hein, Mais du coup, t'as vu, ça se reproduit un peu là, le schéma là. Du Pourquoi coup, ça. Bah, après, t'étais bien, mais là, tu commences à un peu traquer là. Là maintenant, là? Ouais, tu commences mais à traquer un peu. Ah non, là, ça va, là. Tu as fait un régime, comment tu as fait pour devenir comme tu es maintenant en direct? Non. Comment il t'a dit, comment il t'a repassé du cirage là? T'as vu un peu là, en direct plusieurs fois, j'ai l'impression qu'il veut m'enculer à un moment. T'es sûr que t'es pas magnifique? Il est maigre comme on dirait. Ah, je suis pas maigre. Lui, Pierre est maigre. Mais c'est vrai que c'est hallucinant de savoir que c'était comme ça. On est d'accord que t'es pas du tout maigre. C'est hallucinant. J'arrive pas en ce moment. C'est hallucinant que. Bah, que t'es soit comme mais non, ça. Mais après, c'est une. Ça, mais t'as vu le succès? Ton corps change. Tout leader a du succès. Même Hitler en avait. Ouais, bah oui. Oh. Pas trop, mais bon. Tu as dit, j'avais la coupe à l'époque quand j'étais petit. Hein, quand on voit là, c'est horrible. La coupe au bol. C'est très très dur. Comme ça, bien. Bon, et Cassandra qui dit, moi je suis ronde et je le vis bien. Dito. Non, mais le principal, c'est ça, hein, c'est de bien le vivre, hein, c'est tout. Abigail aussi qui dit, non, moi j'ai pas vu la photo du Corse. Ah, bah le Corse, vous pouvez le voir sur le groupe. Sur Facebook, sur le Corse. Le Corse de Goom. Le Corse de Goom. Ah oui, ils veulent me voir à moi en photo. Ouais. Ouais, ils vont sur bah, la page Le Corse de Goom. Mais là, j'ai mis une photo hier de toi, voilà, je vais en prendre une. Je me suis vu, tu m'as mal pris, je suis énorme sur la photo. Bah t'es comme ça en vrai, mec. Ouais. Bon, il y a Mohamed aussi qui dit, bon bah on a compris, on va pas insister. Non bah t'as bien fait, hein. Je pense qu'à un moment faut pas insister, ça sert à rien. Non, c'est ça, ça ouais. Ne sert à rien, ça n'ira pas plus loin, ça ne sortira pas, c'est ce qu'on dit, bah. Impossible. Regardez le corse pose. Oh là là, c'est dur. Bon, bon, il est bon, la main dans la poche. On va attends, on va mettre je te prends en train de prendre le ouais, corse. Ouais, parce que moi mon téléphone part en live là, t'es tout vert. Et moi ah, oui, je suis tout vert. Tu espères que je vais arriver avant de ça Non, mais ça dépend. C'est bon ça. Elle est en train de secouer son téléphone et là l'image va être meilleure, donc il va falloir le vendre. La photo conceptuelle, ne bougez pas les filles. Oh là là, c'est dur, c'est très très dur. Ils sont en train de faire des photos à la queue leu leu en fait. Chacun prend une photo de l'autre qui prend une photo qui lui ah merde, moi j'ai pris une vidéo moi. Ah, ah t'es une merde, bouge pas. Ah t'es chiant. Allez, on met un disque. Allez, allez. Allez, allez. T'as vu? Je dis on met un disque. Il hésite à aller mettre un disque, mais finalement il dit ah bah non, je vais rester derrière l'appareil photo, ça va être vachement mieux. Remindy. Eh, c'est pas mal, mais c'est pas le bon disque. C'était Mike Posner. Bah enlève-le. C'était Lady Gaga là, Dancing the Dark. Attends, excuse-moi, tu l'avais envoyé comme ça vénère à l'antenne là? Ah ouais. Ah putain, je croyais que d'accord. Alors à fond hein. Je croyais qu'il l'écoutait avant genre il m'a dit mais un disque. Bah oui, ah mais bah oui, là, mais je te dis regarde, saute. Ah, lui fais pas, tu vois. Oh mais le fais pas le corse s'il vous plaît. Lui m'a dit c'est tout à l'heure là, c'est Lady Gaga, là, Dance in the Dark. C'est dingue. Attends, il y a le Blair principal qui arrive. Voilà, oh, il y a le chef. Ah, il y a le chef des Blair là. Il y a monsieur Blair en chef. C'est dingue parce que je lui dis c'est Lady Gaga et tu sais, je lui dis mais il va quand même d'abord vérifier sur le papier pour voir hein. Bah, évidemment. Après il met Lady Gaga, voilà, je c'est ça. Je tiens à préciser que Cécile a appelé le chef des Blair. Le chef des Blair a fait le roi Blair. Il y a le Blair et le sous-Blair là. Bon alors le son, il est réparé là. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Ça a l'air de plus couper effectivement. Ça coupe plus là. Non, je crois que c'est bon. Vous avez vu la voix du Blair chef. Là, c'est bon ça. Et là, c'est son chef des Blair. C'est ça, ouais. J'ai commencé à faire de la radio, vous étiez même pas à l'état de spermatozoïde, jeune demoiselle. Quelle belle voix. Ça se voit d'ailleurs au niveau des cheveux. Et le casque. Le casque, il pousse parfaitement la forme du crâne. Ah bah, il a été fait pour le Blair, le casque. Monsieur le corps, ce crâne illustré. Très bien, ça marche, ça très bien. Ça non, non, moi dans mon casque ça saute. Hein. Ah ça saute encore. Ça saute toujours. Ouais. Là. C'est pas le procès du corse, hein, David. David. Chez les corses, ça saute toujours. Ça saute toujours. Ouais. Même bon, quand allez. Ça saute pas, ça saute quand même. Le corse. Lady Gaga avec Dance in the Dark. Et puis on revient juste après avec vous toutes et vous tous au 01 55 64 13 24 pour nous appeler. Allez-y. Et puis sur Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Voilà le son de Lady Gaga à l'instant. C'était Dance in the Dark sur Goom Radio. Et du monde just encore it. Sur oui, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a crié Justin Goom Radio. Justin, on c'est a trop dit qu'on faisait la publicité de Prism. Prism. Prism Radio. Prism. C'est la radio du Soublère. Prism. Je veux bien que des gens appellent, j'ai envie de courir au standard, je trouve ça trop rigolo. Ah bah ça fait des ça fait appelez-moi, ça je fait vous rien. Réponds, là. Ah bah tiens. Bon, il y a des places pour My Chemical Romance et des places aussi pour Bruno Mars qu'on a écouté tout à l'heure d'ailleurs à gagner ce soir. Donc 01 55 64 13 24, pareil si vous voulez discuter avec nous. Il y a Laetitia qui dit cool, le son ne coupe plus. Non, c'est arrangé, c'est réparé, c'est bon. Il y a quoi aussi des messages qui sont arrivés. Il y a Mika qui a mis la photo de Emily qui prend la photo de Cécile qui prend la photo du Corse. Donc vous pouvez la voir sur le groupe Facebook. Lina dit Lady Gaga, la voix de la femme qui annonce les prochaines stations au tram. Enfin, je sais pas, ça dépend dans quel vide tu trouves. Yako aussi, Abigail aussi qui dit Lady Gaga, bah tant mieux, ça vous a fait kiffer apparemment Lady Gaga, bah tant mieux. Et puis Cassandra qui dit je suis amoureuse de sa voix, ça y est, elle parlait du Blair. Hein. Bah dis donc. Oh bah et t'as le pas physique vu ça, t'as pas vu la tête. En plus, oh, bah mec, c'était ouais mais en prenant une déviation meuf, hein. Meuf, je suis une fille. Ouais. Parce que t'as un tic, hein, t'as un tic de langage. Qu'est-ce tu dis mec. Ouais, tu dis mec tout le temps. Bah moi je trouve qu'il est vachement ah oui, il est derrière il est le Blair là, il a, t'es il a pris ah, vachement, non, il est bronzé, il est beau en ce moment. Ouais, il est bien. Il est trop beau le papa Blair. Le papa, le grand-père. Moi, je l'aime beaucoup. Il m'aime pas, mais je l'aime. Il lui manque la barbe, oui, c'est clair. Alors, celui qui est dégueulasse, c'est le petit Blair, ouais, c'est vrai qu'il est. Le sous-Blair, non. Alors, il y a le Blair et le sous-Blair. Et il y en a mais encore lui, un. C'est... Lui, il est laid, quoi. C'est. Et c'est un petit cochon, lui, hein. Ouais, c'est ça. À chaque ouais. fois que je passe dans les couloirs, j'entends chat, beat, ah ouais, tu te l'es fait. Ah ouais. Bon, enfin, en ouais. même temps, tu te bats dans les couloirs avec les mains au niveau des nibards en train de te caresser. Non, mais c'est pas ça. Tout à l'heure, je pensais que j'étais seule et face à moi, il y avait le ouais, seul dans un open space. Mais ce qu'il y a, c'est que le sous-Blair, il croit toujours que tu lui fais des avances. Non, je mais lui dis tout à l'heure, putain, t'es bien habillé. Il m'a dit, je vais te casser les deux jambes, sors d'ici. Et moi, là, t'as non, mais calme-toi. Il m'a dit, tu veux pas faire la prostituée parce que je montre une boîte et je suis proxénète. Il me dit, je suis sûr que tu rapporteras de l'argent. Il regarde, m'a dit il ça est là, il se caresse du coup là. Regarde, il se touche. On voit que la tête, mais il se lève en dessous. C'est sa bite. Ah non, c'est sa tête. C'est drôle ça. Bon, donc j'étais tombé sur une info. C'est un logiciel en fait qui est vendu par une boîte aux États-Unis qui, enfin bref, peu importe. On va pas rentrer dans le détail. Bref, c'est un Français qui a acheté une licence pour le vendre en France. Et donc en gros, c'est un programme que tu installes sur un PC en l'occurrence. Et donc qui te permet à distance, bien sûr, si tu es le patron, de tracer tous les ordinateurs de ta boîte. Très bon, savoir ça. Qui va sur Facebook, combien de temps il reste sur Facebook. C'est tu peux pas voir les messages privés, mais tu peux savoir combien de temps le mec il reste dessus, combien de temps il va sur Twitter, combien de temps il va sur YouTube, combien de temps il va sur tous les sites possibles et imaginables. Et donc du coup, tu peux même voir les dernières photos de ses vacances. Ah ouais, s'il les met, tu vois, par exemple, ah oui, bah oui, s'il les upload du travail ou pas, etc. Et donc du coup, alors ça va peut-être donner des idées à Fredos, hein, pour quoi que c'est un peu cher, hein, pour 940 € par poste. C'est bon, on est tranquille. Par poste. Ouais, c'est bon. Alors, on est tranquille. C'est peut continuer d'aller sur Facebook à faire n'importe quoi. Ouais. 940 € par poste. Donc le mec, le boss peut suivre à la trace l'activité des mecs qui bossent pour lui. Et donc une fois que c'est installé sur les ordinateurs des employés, donc le logiciel agit comme un mouchard. En fait, il dit rien, tu vois rien, il y a rien marqué nulle part. Il envoie juste des informations. Hop. Non, en mode statistique quoi. Au boss qui ouais, se connecte dans la matinée, c'est genre, connecté tant de minutes voilà, truc, t'as l'ordinateur truc. Avec telle adresse IP était là, il est resté là autant de temps à cet endroit-là, il est resté éteint pendant ça se trouve c'est le mec il peut arriver au taf. Ah, ça fait flipper moi je trouve ça. Il éteint l'ordinateur. Non mais tu sais il y a tellement de gens qui abusent du système que qu'il faut au moment c'est dommage parce que du coup c'est ceux qui sont honnêtes qui payent pour les autres. Ouais. C'est ceux qui vont de temps en temps sur Facebook juste histoire de dire. Bah ils vont se faire défoncer. Bah du coup ils vont se faire défoncer. Ça va être un coup dur pour les gens de la sécu ça. Ouais, oh bah ouais, ça, la sécu, mec. La poste. Oh là là. Quoi qu'à la poste, ils peuvent pas, hein, parce qu'ils sont au guichet, quoi. Mais t'inquiète, qu'à mon avis, sous le guichet, il doit y avoir des petits. Mec, à la poste, c'est très dur, hein. Bah, c'est très dur, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent pas aller sur Facebook. Non, mais et tout, les mecs de la poste, quand ils ont compris qu'en fait, ils étaient pas obligés d'aller vite. Bah, c'est ça, hein. Eh ben, t'as une file d'attente de 2 heures. Parce qu'au final, eux, ils sont payés, ils font leurs heures et ils se cassent direct. Ah ouais, mais en gros, s'ils vont plus vite, ils vont faire plus de monde, donc du coup, ils travailleront plus vite. Ah bah, alors, du coup, sûr. Ils s'essoufflent pas, ça, on l'a bien compris, hein. Ah bah, ça, je te confirme. Tu mets au postier, tu mets une petite prime, de rapidité. Ah, il a. Tu vas les voir, là. C'est clair, il y aura plus de file d'attente. Ah bah, ils vont faire la grève, on dira, ouais, mais enfin bon, c'est pas normal, pourquoi on a ça? Non, mais ce serait énorme, mais même, si tu mettais vraiment une prime. Ouais. C'est ah ouais, les mecs, ils iront plus vite, mal, là, et les doses, là. Bah, qui sait, non, mais c'est vrai, hein. Bon, 01 55 64 13 24. Est-ce que, tiens, il y a un message qui, Audrey, qui dit, Mickaël, tu te situes où ce soir? Tu te trouves à Los Angeles. Ah non, pas aujourd'hui, mais non, mais je suis rentré depuis hier, depuis mardi. Ah, mais ouais, comme ça a coupé Los un Angeles. Peu. Ah, comme ça a coupé ah, un peu. Ah, parce que ça coupait. Ah, bah, non, bah, comme quoi, vous voyez que même quand on est dans le studio, parfois, il peut y avoir des bugs, hein, ça veut rien dire. Non, là, je suis à la radio, hein. Ouais. Tu repars quand? Bah, je sais pas, j'hésite, peut-être demain ou la semaine prochaine, je sais pas. J'ai envie d'aller à Los Angeles. T'avais dit que t'en as mis à chaque fois un d'entre nous. Attends, je n'ai pas ce souvenir. Non. Ok. Non, je réfléchis, hein. Oh, mais c'est pas grave, c'est pas comme si je m'étais pris déjà 5000 vents avec toi. C'est ça. Bah, essaye encore, on sait jamais, t'arriveras à 10 000, peut-être que t'auras un cadeau. Je vais te prendre en photo parce que t'es beau et je vais le montrer aux auditeurs. Non, ça ira. Mais si. Je ne veux pas. Tu payes pour la photo? C'est. T'inquiète pas, mon chéri, ça va. L'image, elle est payante, hein. Oulala, y en a un qui a mis une photo de toi en mode clip des Words Apart, ça fait mal. Ah bon, ça va? Avec la coupe au bol. Ah oui, oui, mais cette vieille coupe, ça, non, mais ça, c'est pas grave. Celle-là, j'ai pas honte. J'aimais bien cette coupe-là. Mais, enfin, j'aimais bien. C'est-à-dire qu'elle était, en fait, le problème, je l'ai déjà dit 100 fois, mais c'est une coupe, c'était une coupe intermédiaire. C'était entre les cheveux courts et le moment où, bah, j'allais avoir les cheveux plus longs, mais. Non, bon, elle est dure quand même, hein, mais non, mais les cheveux poussent, je voulais les avoir longs. Ouais, non, non, mais là, c'est vraiment. Enfin, si je te dis que je voulais les avoir longs. Elle est là. Oh, comme c'est dur, on dirait un jeu. Mais c'est mec, c'était en 99, ça. Mais on dirait vraiment un clip, un clip d'Obispo, il y a 25 ans. Non, mais attendez, parce que si vous voulez voir du dos, j'ai mon permis de conduire, hein. Ah oui, ça c'est énorme. J'en ai une aussi dans le permis qui est quand même très très belle. Ah ouais, très belle, mais j'ai pas le permis là. Attends. Ah ouais, genre comme non, par je l'ai pas ici, j'ai pas oh les papiers. Oh non, on dirait un mec des Boyzone. C'est très dur aussi ça. Hein. Oh non, on ne touche pas. Ah le col roulé, le col roulé. Oh là, ouais. On dirait un nazi. fais voir. Non, mais on dirait un séminariste. Ah ouais, c'est très. Je suis passé tu par toutes les phases. Non, t'as qu'à te bouger si tu veux venir le voir. Non, on va en faire une photo et tout ça, on va aller pour un débile ou quoi. Non. Émilie, prends-le, je l'embrasse. Même pas. Casse-toi, on touche avec les yeux. Allez, dégage. Mais merde, j'arrive pas. Quelle horreur. Fais voir. Non mais t'as déjà vu, je vais pas te montrer 100 fois. Oh là là, mais c'est très dur. Tu sais que t'as un beau visage. Voilà. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et moi, je suis là, hein, Mini. Tu ça doit être ça. Arrête avec ton câble. Mais de elle casque. Est relou là. Elle voilà, se déplace beau, de partout là. Oh là là là là là là. Oh, mais comme t'es photogénique, Mickaël. Quelle beauté. Et Anthony qui dit Mickaël, jeune, mort de rire, je suis mort. Oui, bon, ça va, franchement. Je souhaite à pas mal de monde qui ont une sale gueule d'avoir la gueule de con que j'avais à l'époque. Quand même. Pas abusé. Elle est dure. Non, mais elle est pas dure! La photo elle est montre dure. Une tête quand t'avais 18 piges! Ah non, non, c'est attends, toi, sur le chien, on dirait qu'il s'est fait refaire le nez. Sa carte d'identité, Mika, mais on dirait un mec qui sort de l'armée, qui vient de démonter quelques personnes non, en Irak. Là, je t'en supplie, je pleurais. Non, tu sais ce que je vais montrer? Je vais montrer une photo de classe. Vraiment. Tu ressembles au Gauchy Notre-Dame? La même. Bah, tout le temps la même. La gueule que j'ai dessus, t'es gentil, c'est tout le temps la même. Ça va, parle-moi mieux. Je t'aime. Bon, bah, très bien. Allez, ouais. C'est terminé maintenant. Hop, on passe à autre chose. Oh, j'en ai une autre là. Il y a Alexandra qui vient de mettre encore une photo là où il y a Tov, Jack et moi là. Un drame. Ça, c'était dur. Hein. Mais ça, c'était en 2004. Hein. Ça, c'était très très dur. Hein. Oh merde. Ah ouais, non, mais ça, c'était d'une violence extrême. Oh bah, le corps système. Hein. On nous avait forcé à faire ça, donc c'était très très dur pour la mise en scène hein, quand même. Ah ouais, il y avait une mise en scène là. On était au top. Hein. Bon, bah, allez voir sur le groupe Facebook si vous voulez. facebook.com/MIKL officiel. Et puis, dites-nous, tiens, si vous avez peut-être déjà aussi, vous au bahut ou même au travail pour ceux qui ont déjà un taf, des mouchards sur vos ordinateurs, enfin si vous le savez évidemment, tu sais, des genres des trucs qui envoient des informations à quelqu'un pour savoir ce que vous faites sur votre ordinateur, combien de temps vous restez sur votre ordinateur, etc. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai à dire encore? Oui, alors là, on a encore aussi au niveau du top du cambrioleur pourri. Ah non, mais on est tombé encore sur quelque chose. Hein. C'était début du mois d'octobre, donc vous allez me dire c'était un petit temps quand même. C'est la principale d'un collège de Créteil en fait qui rentre chez elle vers 20h et tombe nez à nez avec un homme. Chez elle et qui avait volé pas mal de choses. Ouais. Et tout ce qu'il avait volé était à ses pieds, et il s'était endormi. Quel gros coup. Voilà. Ah non mais c'est quand même exceptionnel de enfin je comprends pas. Donc la meuf elle rentre, elle voit le mec déjà elle est surprise, elle se dit qu'elle va refermer la porte, elle prévient les flics arrivent sur place et effectivement ils trouvent le mec qui était dans un état semi-comateux avec une forte odeur d'alcool, donc le mec qui était torché en fait. Et voilà, donc c'est quand même exceptionnel. Moi je me suis fait cambrioler un jour, j'étais avec plein de potes dans ma maison aux 5 étages. Je l'ai raconté. Non mais c'est pas grave, elle est trop bien. Et méfie-toi quand même. Et je descends donc avec... Ah oui, que j'ai dit Tipiak. Je descends avec mon assiette, j'étais en train de me faire un steak et du blé. Je descends et à ce moment-là, je vois un mec avec des gants noirs courir face à moi. Donc c'est un cambrioleur avec un sac rempli donc d'affaires personnelles. Mon gars de ceinture. Non, je... non. Donc avec... Voilà, personne m'écoute. Mais c'est quoi T'as fait la vanne du gars de ceinture, elle est pas passée. Donc le mec, il est avec mon sac, des montres, des téléphones portables et tout à l'intérieur. Et ce con, il a eu peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout lâché. Il est parti en courant. Il a eu peur de toi en fait. Il a eu peur de moi. Ah ouais, c'était encore boulimique à l'époque. T'étais grosse, non? Oui. Voilà, c'est dit, je vais me faire bouffer par Godzilla. Oh mon dieu, elle a dû en bouffer deux trois déjà. Mais c'est vrai qu'il est con, il aurait pu partir avec son sac rempli de fringues, de non, mais bijoux bien sûr, et tout. Bien sûr. Et le mec, il a tout lâché, mais je l'ai même regardé, je lui dis mais prends-le le sac, espèce de con. Je t'ai failli briser ta vie parce que j'aurais pu te sauter dessus et te tuer. Et tu lâches le sac. Mais tu l'as pas fait. Non, je l'ai pas fait parce que j'étais trop grosse pour me déplacer trop vite dans les escaliers. Mais oui, bien sûr. Bon, il y a Ami aussi qui dit c'est ce qu'on peut appeler le con du jour, le con de Michael. Oui, bah en l'occurrence c'était effectivement ça, le mec qui s'est endormi là, c'est vraiment un idiot. Hein. Audrey aussi qui dit les photos dossiers ressortent, c'est dur quand même. Non, mais bon, ben ça va encore non plus. Hein. Et Tania qui dit Michael, on leur a dit un sans papier quand t'étais jeune. Oh, tout de suite les gros mots. C'est pas mais gentil. T'es passé un sans papier, goût surtout. Moi, j'aimerais bien te voir avec une photo avec tes cheveux longs là. Ben il y en avait, il y en a qui ont. Non mais très long. Tu m'as dit que tu les avais jusqu'au. Mais non, mais je voulais, mais j'ai pas eu le temps de les laisser pousser jusque là. On les a coupés avant, donc non, j'ai jamais eu les cheveux très très longs du coup. Mais non, mais j'ai des photos dossiers. Hein, ça c'est. Oh, j'en ai une là de moi, dossier de Saras. Mais Saras le dossier. Remets celle d'après là. Oh, en jeune. Ouais, tête de con, mais c'est la même qu'aujourd'hui, mais sans barbe. En fait, hein. On non, la connaît ça... pas. Oh, ouais, bon, enfin, ça, c'est la même. Ah oui, non, ça, c'est, oui, c'était pour qu'on se marre en plus. Ça fait peur de montrer ça si t'as une meuf, parce qu'elle se dit, putain, mes enfants vont ressembler à ça, ouais. Quoi. Moi, j'ai peur, Michael, d'avoir un bébé avec toi. Je crois que je vais avorter, là. Avec toi, pourquoi? Je crois que je vais avorter. Je vais avorter, parce que je vais avoir un bébé avec toi. Non, mais de toute façon, on n'aura pas de gosse ensemble. Arrête un peu. On n'aura rien du tout ensemble, d'ailleurs. Bon allez, on revient dans quelques instants, on va se mettre un petit peu de pub derrière, on va se mettre le son de Remedy avec Do It On My Own, et puis on parlera dans quelques instants de Justin Bieber. Il y en a qui voulaient qu'on mette le son, donc on va peut-être pas mettre le son non plus, mais par contre il y a 25 points, il y a 25 choses qu'apparemment vous ne savez peut-être pas encore sur Justin Bieber que j'ai découvert. Qui est con, ça je le savais. C'est bizarre. Non, mais il est gentil, celui-là. Non, dit, mais je rigole en plus, je l'aime mais, beaucoup. Mais vous allez voir, c'est bizarre. Bon, bref, on en parle en tout cas dans quelques instants. Ne bougez pas de là. Donc, comme je le disais, pub est derrière. Remedy, do it on my own. On est là tous les soirs entre 20h et 23h. Bon, et puis si vous voulez nous appeler, allez-y aussi. 01 55 64 13 24. Donc, si vous voulez discuter avec nous, vous êtes les bienvenus comme Lina d'ailleurs qui est connectée sur le groupe Facebook, il y a Abel également, il y a Audrey, il y a Aurélien qui a également envoyé un message sur le groupe Facebook. On est plus de, je sais pas combien il y en a, donc on est 36 000, là même plus, un petit peu plus d'ailleurs. Il y a deux mondes. Donc facebook.com/michaelofficiel. La phrase que je voulais dire c'était il y a du monde, j'ai dit il y a deux mondes. Ouais. Bon, il y a Noé aussi, il y a Antoine, il y a Laetitia qui vient de mettre encore une photo de moi quand j'avais les cheveux un peu plus longs avec une chemise, une belle chemise toute noire. Oh, je sens que c'est ta soirée. Ouais, bah c'est moi qui cherchais, hein, c'est pas grave. Hein. Anthony aussi qui est là, il y a Aurore, etc., etc. N'hésitez pas, vous envoyez vos messages tout simplement sur le groupe Facebook. Allez-y, pas de problème. Je parlais de Justin Bieber, Justin Bieber. Déjà une nouvelle bizarre. En fait, il est apparu dans un magazine People portugais. Et en fait, il a une tête de gonzesse en fait, parce que soi-disant il a été photoshopé comme un fou. Soi-disant. Alors du coup, il y a les managers de Justin Bieber qui ont appelé le magazine au Portugal. Ils ont dit ah non, pas du tout. Le fait qu'il ait les yeux un peu plus foncés, c'est juste que l'encre a mal pris. C'est le truc genre. Nickel. Genre. Il est nickel. Le mec, il a les lèvres. T'as l'impression qu'il y a du rouge à lèvres dessus. Et donc du coup, ça a gueulé. Et donc en fait, là, il a fait un truc. C'est Justin Bieber qui te confie les 25 choses que tu ne sais pas encore sur lui. Oh, c'est intéressant. Ouais, bah quoi, je déteste le steak tartare. Non. J'ai trois poils à la bite. Première chose, j'ai appris à jouer de la guitare à 2 ans. Oh, ça, on s'en branle. Oui. Ouais, deuxième chose, vous me dites à un moment s'il y a un truc qui pourrait vous intéresser. Hein. Okay. Deux, je suis claustrophobe, surtout dans un ascenseur bondé. Oh, comme moi! Oui, mais toi, t'as tous les problèmes du monde, de toute façon. Hein. Oh là là, putain, mais tu veux pas, au lieu de me critiquer, venir me secourir? Attends, laisse-moi réfléchir. Non. Ah bah non. Non. Toujours la même veine depuis 92. Là. J'ai eu peur que quand t'as dit, tu veux pas venir me... J'ai trop peur. Non. Donc claustrophobe. Qui est claustro ici? Moi. Toi t'es claustro? Vraiment. Non mais genre tu peux pas rester dans une boîte. Non, c'est ça que de couchage. Dans une boîte de nuit? Non, dans un cercueil. Bah non, trouve-moi les personnes qui kiffent être enfermées dans un cercueil. Ah mais tu sais que j'en avais un, c'était il y a un ou deux ans, je crois, un auditeur qui dormait dans un cercueil. Bah c'était un vampire le mec. Non, il dormait, mais il était dans un kiff en fait, et il dormait dans un cercueil. Mais il était mort le mec. Mais non, c'est sa chambre quoi. Il y en a qui ont des lits en forme de voiture. Ouais, mais enfin, c'est un cercueil. Bah alors, c'est bien. Tu imagines, il travaille chez lui. Sauf que c'est qu'une place quoi, tu vois. Émilie, elle a un lit en forme de bar, de comptoir. Dors dedans. Bien dormi dedans. Et toi, en utérus. Le rire forcé. C'est drôle ça, l'utérus. Non, c'est excellent. Ouais, c'était pas terrible. En forme de chat, le corse. Ouais, mais j'aurais pas le corse. Le corse. Claustro aussi ou quoi? Non, et toi, Pierre? Moi non, que non. Ça dépend voilà. Après, si tu sais que tu peux y rester et que t'es enfermé dans une pièce. Bien sûr, mais bon. C'est horrible. Mais sinon, non, je prends l'ascenseur. T'as pas un problème, quoi. D'accord. Ouais. Bon. Non, mais attends, sur la photo, je te coupe deux secondes, mais parce qu'on vient de la publier. Ah, c'est une gonzesse, hein. C'est, il y a pas que les yeux. Il y a au niveau de la bouche, il y a les lèvres. Ah ouais, tout. On dirait Tomate Secret Story, quoi. Bien sûr. Ah non, mais c'est clair, c'est très très dur. Bon, trois, je trouve que Beyoncé est sexy. Ouais, ça, on s'en branle. Mon bonbon préféré est Bigfoot. Ça vient du Canada. Alors, tout le monde s'en branle aussi. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle, en fait? Alors, numéro 5, j'adore l'océan. C'est beau ça. Bah vas-y, va te noyer. Mais il se la raconte, ce mec. Hein. Numéro 6, je préfère voyager en bus que par avion. Je suis obsédé par mon bus. Par mon bus, vous avez remarqué que c'est pas le quart de bus de tout le monde. C'est son bus à lui. Ouais, c'est le sien, ouais. Oui, tu m'étonnes que tu préfères voyager dans un bus tour, tu vois, avec cinéma dedans, c'est clair. Ouais, salle de jeu, jacuzzi. Studio, jacuzzi. Oui, bah tu J'allais dire avec des putes, mais non, il Non, pas son âge, pas son âge. En 7, j'oublie toujours de prendre une brosse à dents dans chaque hôtel, je dois aller en demander une à la réception. Ah bah c'est génial, hein, quelle dure vie quand même. En 8, j'essaye de visiter un centre commercial dans chaque ville de ma tournée. Waouh. Waouh. Mes boissons préférées sont chez Tim Hortons. Ils font les meilleurs mélanges qui soient. Ok. Ok, ouais. Alors, 10, les seules baskets que je mets plusieurs fois sont celles que je porte sur scène. Ok. Ok. 11, je joue de 4 instruments et j'ai tout appris tout seul. Bon, ça, c'est bien. Ouais, ça, coup. C'est bien. Mais ça, c'est pas mal. Pour le coup, c'est bien. Mais il l'avait déjà dit, ce con. Il l'avait déjà dit, même dans l'émission où il est venu chez moi d'ailleurs, il l'avait dit aussi. Ouais. 12, j'aime le jet ski. Oui, alors c'est quand même c'est un sport de pauvre. Hein. Alors j'aime voilà et il faut le jet ski, déjà il faut l'essence. Et puis je connais pas une personne qui déteste le jet ski. Quoi, oui, voilà vois. En soi je c'est ça. Je déteste ouais. M'amuser quoi, c'est ça me fait chier. En 13, j'ai deux Segway. C'est ces trottinettes électriques là, le truc bizarre. Ah, d'ailleurs le concepteur du Segway s'est tué avec un Segway. Ouais, au bord d'une falaise. Ouais. Con. Il a pas freiné en Angleterre lors d'une démonstration. Et bim. Ouais. Voilà, donc il a deux Segway en tournée hein, que l'utilise pour terroriser son équipe. Il a que ça à foutre. 14, je suis gaucher. Alors ça c'est une information exceptionnelle. En 15, j'ai porté mon tout premier smoking cette année lors du dîner à la Maison Blanche. Ouais, tout ça pour dire qu'il a été à la. Moi aussi, j'étais à la Maison Blanche. Alors, je suis resté dehors. Ma maison était blanche quand j'étais enfant, mais ouais, c'est tout, ouais. J'ai pas fait de Maison Blanche. Alors 16, j'ai fait des concours d'absorption d'eau avec mon équipe. Mais on s'en branle de tout ça. Ah bah oui, mais bon, c'est les mêmes trucs. Ils sont censés intéresser le monde. Il sert à rien ce jeu. Mais si, c'est pas un jeu, c'est juste que c'est ce que non, je te dis. Non, ce jeune, j'ai dit. Ah non, si, il sert. Il y a plein de gens qui, il y a mais plein oui. De petits jeunes qui l'aiment bien. Et puis c'est, ils sont contents de savoir ce qu'il aime quoi. Ah bah bon, après t'as des détails quand même. 17, bah Step Brothers est mon film préféré. Génial, j'adore le skateboard. En 18, 19, mon équipe et moi faisons des soirées jeux dans le bus à chaque fois qu'on le peut. Bah oui, tu m'étonnes, il a ses piges. 20, j'ai un chien nommé Sammy qui vit avec mes grands-parents au Canada. Wow, qu'est-ce que c'est dur. 21, les shampoings et démêlants sans marque dans les hôtels sont les meilleurs. Mais c'est tu sais qu'il avait déclaré lui, c'est pour ça que je l'aime pas, il m'énerve, il avait déclaré parce qu'on lui avait dit un peu comme Robert Pattinson, ta coupe c'est ta marque de fabrique, il avait dit ouais, sauf que moi je me lave les cheveux. Et alors là mon petit, si tu m'écoutes Justin Bieber. Mais il a pas tort hein, pour le je coup. Je vais venir te casser. Il a pas tort. Mais il faut pas toucher à... Il y a Ami qui dit le corps, ça a raison, tout le monde s'en fout. Non, mais c'est pas qu'on s'en fout, c'est juste que c'est inintéressant. C'est pour ça que je le lis, parce qu'en soi, c'est effectivement inintéressant. C'est juste que c'est risible. Bah, c'est ça. C'est ridicule, c'est... oui. De voir. Oh, si pas, quelqu'un veut pas. Le défendre, vous pouvez nous appeler. Hein. Ah ouais, ouais, bien sûr. Alors, en 22, on est presque à la fin. Je bats Shaky, donc Shaky O'Neal, au basket. Bon, ça, je demande à voir. 23, ouais. Mon sandwich préféré est tomate mayo sur du pain géant. Oh, ouais, c'est bon, vrai que c'est tomate mayo, on est au top là. Ouais, je déteste les tomates. Alors, j'adore les tomates mayo. Là, ça c'est très bon, tomate mayo. Oh, tomate mozza mayo. Ah non, avec tomate d'olive, mozza, huile d'olive. Alors 24, j'adore le snowboard et enfin 25, on moi joue aussi. Au basket dans les coulisses pendant mes concerts. Voilà, voilà, voilà moi pour aussi. Les informations importantes donc sur Justin Bieber. Le corse dormira certainement beaucoup mieux ce soir depuis qu'il a appris ça. Ouais, franchement, ouais. Et attends, mais je comprends pas quel est le but. Bah pour vendre des papiers. De dire ça quoi. Pour vendre des magazines, mec. Mais mec, non, mais tu fais ta promo, ça va. Mais on s'en fout quoi de ce qu'il aime ou. Mais non, mais c'est sûr, c'est dans un journal. C'est dans un journal que t'as pris ah, ça. Oui, oui, oui, ou sur oui. Un site. Mais alors, non, mais c'est le magazine, il est encore plus con. Alors. Mais oui, mais c'est le magazine, c'est juste pour se faire des thunes. Genre bah, le top 20 de ce que Justin c'est Bieber. C'est pour mettre Justin Bieber en première. En première page et mettre tout ce que vous n'avez jamais su sur Justin Bieber. Alors que tout le monde le sait et tout le monde s'en branle, mais voilà. C'est pas là. Comme ça, tu l'achètes pour avoir des trucs inédits. Alors qu'en fin de compte, on s'en branle qu'il exactement. Aime bien des baskets ou qu'il aime bien bouffer des salades. Exactement. C'est du marketing, quoi. Mais oui, faire vendre. Il y a Géraldine qui dit j'aime pas Robert Pattinson. Je voulais commenter et j'ai commenté Terré à cause de mon iPhone. Donc en fait, Géraldine, je voulais marquer. Ah d'accord. Comme si j'étais énervée, tu vois. En fait, je m'en fous que les gens l'aiment pas. Ouais, plus, bah voilà. Moi. Tania qui dit il est vraiment dégénéré ce gamin. Je l'avais vu dans un reportage aussi, le mec il se l'a pété sa mère là. Grave. Mais qu'est-ce qu'il se l'a pété? Ah, je l'avais vu ce truc où il utilise dans l'avion là. On l'avait vu ensemble, Mika, tu te rappelles qu'il voulait pas faire son spectacle, on était chez moi. Pas dans l'avion, moi j'avais vu un reportage, j'avais vu dans un zapping, donc c'était court, mais il était... Il était devant un studio de prod, je crois. Il était dehors, il était assis et il se l'a ramené en disant que lui c'était une star et que voilà quoi. Quand il a fait un concert à, c'est à Toulon ou à Montpellier, ils répètent en fait. Mmh. Et au bout d'un moment, la meuf qui organise et tout, elle dit ok, les répétitions sont terminées et tout parce qu'ils étaient arrivés en retard. Tout le monde dans les loges machin et tout, il fait ah non je crois pas. Elle lui dit bah si tout le monde dans les loges, les répétitions sont terminées. Non, on doit chanter Baby. Elle lui dit bah non, t'as pas le temps de chanter Baby, je suis désolée, il y a 10 000 minotes à l'extérieur qui sont en train de se bousiller le thorax contre les vitres là parce qu'elles en peuvent plus de te voir. Non, on répète Baby, sinon je viens pas. Elle lui dit non mais je suis désolée, on peut pas et tout. Il fait ok, ben je le fais pas ton concert. Et il se barre. Et genre il se casse. D'abord il appelle son garde du corps en mode elle veut pas qu'on répète Baby, elle veut pas qu'on... Le gamin quoi. Je suis désolée, on n'a pas le temps. Eh ben, attends, je fais pas mon show. Quand il était venu là, il était cool, mais parce qu'il était pas encore Rosta. C'était il était Rosta au States. Moi, je l'ai reçu deux fois. La première fois, effectivement. La deuxième fois. Donc, il y a un bouton blanc, là. Ouais, j'ai un bouton blanc, là, ici, là. Il gardait sa mère vénère. Il me fait trop mal. Bah, pète-le. Ok. Ah non, sur Émilie. La deuxième fois, il se l'a ramené un petit peu plus, mais cette meuf l'a traîné. Mais chez nous, il a toujours été. Émilie. Chez nous, il a toujours été calme parce qu'il y avait toujours Polo juste à côté. Il avait peur de Polo, je crois. Ah ouais, parce que côté, faut se le farcir aussi Polo. Hein, donc je crois qu'il a eu un petit peu peur effectivement. Il y a Marion qui dit hier j'étais chez Auchan. Putain, il y a un demi rayon sur Justin Bieber, des t-shirts, des casquettes, des posters géants, etc. J'ai cru que j'allais mourir. Bah oui, bah c'est une star. Il y a rien à dire. Après on aime ou on n'aime pas, mais c'est une star. Hein. Il y a rien à dire. Et genre il est plus que la pète pas. Alors arrête. Il fait un nouveau truc là parce que alors il a fait film sur sa vie, série dans Les Experts, un livre sur sa vie. Marque de vernis à ongles, ceci n'est pas une vanne, et bientôt les parfums. Bah, il exploite le filon, il a raison. Mais il fait aussi le parfum, mais pas en bouteille, en collier, ça va être un collier de parfum. Ah ouais? Ouais, ça va être bizarre hein, comme dos. Hein. Bon, enfin bon. Oh, c'est dur. Bon, allez, Gabana. On va se mettre un petit peu de son là maintenant. Ce que je propose, c'est que nous mettions. J'hésite. Qu'est-ce qu'on peut mettre? My Chemical Romance. Non, on va le mettre tout à l'heure, c'est un Mike Posner. Pink? Ah non, ouais, on va ouais, mettre tout à l'heure aussi Pink. My Chemical. Aladdin. Bah My Chemical, ouais, je pense qu'on va plutôt rester là-dessus. Parce que Aladdin là, c'est pas. Non, pas du tout. Sur Rêve Bleu. Ah mais ça va pas bien. Remixé par David Guetta, tu l'as entendu, mais t'es Asbin toi. Ouais franchement je préfère rester Asbin, hein, pas un problème ça. Bon allez, envoyez vos messages, on va faire un petit jeu. Tiens maintenant on va donner aussi tout à l'heure le nom le plus fréquemment donné en Angleterre et au Pays de Galles en 2009. À qui aux enfants? Jamais vous allez trouver. Edward. Lewis. Jamais vous trouverez. Tu sais qu'aux États-Unis c'était ça, c'était les prénoms de Twilight. Gérard. Edward, ah ouais. Bella et Jacob. Ah ouais, bah non, là c'est pas Robin. Là, c'est pas Michael. Ça. Jamais vous trouverez. Graham. Non. À votre avis, donc en Angleterre l'année dernière, quel est le prénom le plus fréquemment donné pour les mecs, aux garçons? Paul Michael. Ouais. Jamie. Exactement. Non, pas du tout. Robert. Bruce. Non. Frank Sinatra. Frank Sinatra, t'as raison. Il y a pas un délire. Elton. Non. Bon, si vous avez une idée sur Facebook, allez-y, facebook.com/mikaelofficiel ou alors vous appelez le standard au 01 55 64 13 24. C'est pas Johnny non plus. Luke. Allez, bonne chance, mais vous trouverez jamais, je vous le dis direct. Et puis on se met My Chemical Romance maintenant on devrait avoir les My Chemical aussi lundi, juste avant leur concert par téléphone dans l'émission. Donc soyez bien là lundi le 1er novembre. D'ailleurs, on fera aussi une soirée spéciale Halloween, la fête des morts. Voilà. Allez, on écoute Nanana maintenant sur Goom Radio. My Chemical Romance à l'instant avec Nanana. Putain, je viens de tomber sur une photo encore là. Bravo, c'est bien ça aussi. C'est qui a ajouté ça? C'est Audrey qui a envoyé en disant oh Mickaël, que tu es magnifique. Oui, je me souviens. C'était une photo. J'avais complètement oublié. En fait, c'est quand j'avais été quand je faisais de la télé en Belgique. Je faisais l'émission de radio en Belgique le soir. Et en fait, à la télé, ils avaient qu'une obsession, c'était changer ma coupe de cheveux. Et en fait, ils l'ont changé. Ça a duré un jour. Après, je leur ai dit mais vous êtes complètement dingue. Ils avaient fait Justin Bieber. Oh merde. Ah ouais, mais non. J'ai la photo là avec t-shirt orange et tout. Je l'ai vu. Ah, on était au top de la coupe là, regarde ça. Non, mais je l'ai vu tout à l'heure, c'est magnifique. On était au top du dos ça. Je tiens à te dire que c'est magnifique. Ah bah, on était au top du lot ça. Là tu es. Ah mec, putain, tous ces souvenirs. Tu es comme qui dirait. The Cure. Tous ces souvenirs. Ah bah, c'est fou. Non, enfin, franchement, je. Bah si, c'est moi. Non, t'es sérieux? Bah oui, c'est moi. Bah si, si, bah, bah je me reconnais quand même encore, hein. Mais là, je te reconnais pas. Moi. Ah bah moi, je me reconnais, t'inquiète pas. Hein. Petite coupe à la David Guetta, hein, l'air de rien. Bah ouais, ouais, mais c'était en avance. À l'époque, ça faisait blair parce que c'était en 2006, faut le savoir. Non. Aujourd'hui, ça irait. Comment ça, non? C'est 2006, ça? Ça, c'était en 2006, ouais. Mais non. Bah si, si. Mais non. Mais c'est pour ça que je te dis que ça a duré qu'un seul jour, la coupe, parce que j'avais enlevé, je passais pour un idiot. Ouais, mais enfin, aujourd'hui, ça irait peut-être mieux. Là, ça fait 4 ans. Ah bah ouais. Les Tokyo Hotel ont essayé. Hein. Ah bah ouais. Voilà, c'est ça ouais. Et, putain, j'en ai du coupe de cheveux finalement au final. Ouais, c'est j'allais dire, dis-moi, tu es passé par ouais. toutes les têtes. Bah un peu ouais, il y a Aurore aussi qui dit pauvre Michael avec ses coupes, la prochaine ce sera quoi? Bah là ça va, là, je compte pas changer, je suis bien là. Si, alors si il y a Roberto donc le patron de la radio qui voulait me faire une autre coupe. Je dis mais ça va pas. Il dit mais ça aurait été génial. Non bah attends. il voulait que je rase complètement tout sur le côté. Et que je laisse les cheveux à la crête. Non, pas à la crête, mais que je laisse tout en haut, tu sais, un peu en pique, mais que sur les côtés ce soit complètement rasé. Ouais. Quelle horreur. Et il voulait mettre une veste en jean. Il dit, c'est tendance, tu vas voir, c'est génial. Mais Non, c'est rare, non. Ouais. Tu as déjà essayé rasé, tout non, rasé. Non, j'ai pas une tête à avoir le crâne rasé. Moi, je pense que ça t'irait bien. Non, ça va pas, jamais de la vie. Tout te va, moi. Non, il veut te prendre dans sa sec, le corse, mais ouais, mais on va te faire ça, on va te remettre. T'as envie de m'enculer ou quoi, depuis tout à l'heure, là, t'es en train de... Non, j'essaie de t'intégrer chez nous. M'intégrer, ouais, c'est ça. Parce que chez nous, c'est crâne rasé, grosse barbe. Ouais, mais non, c'est grave, là. Ni la barbe, ni rien, là. T'inquiète pas, là. Oh, l'ogre. C'est ça. Il y a un message d'Athana qui dit, non, mais Mike, cette photo est vraiment un scandale, heureusement que t'as pris des joues. De quelle photo tu parles? Parce que si c'est celle où j'avais effectivement les cheveux bizarres, là, avec le t-shirt orange, j'avais le même poids qu'aujourd'hui, pour le coup, hein. T'étais beau. À peu près quoi. Arrêtez un peu là avec ça. Oh là là, bon bah t'étais trollé. Ah bah voilà. Boudin. Ah bah voilà. C'est vachement. Alors, Josiane qui est au standard. Là. Attends, allez, mettre au standard. Il a combien de saumon aujourd'hui là? Bouge pas. Allez, venez toujours. Toujours gagnant, jamais perdant. Allez, venez. On se croit à la kermesse. Elle fait tout mal. Cécile. Elle essaie de faire des trucs, mais elle fait mal. Elle fait tout mal. Regarde comment elle fait mal. T'as vu un peu. Hein. Le standard est très mal fait. Bon, on a Cécilia qui est avec nous. Tu vas voir Fredo et tu lui diras que je fais mal parce que tu te lèves pas ton cul pour le faire. Donc bah voilà. Non, j'ai pas me lever non plus. Tu le fais. T'es à la base, t'es engagé pour être standardiste, mec. Hein, on t'a mis très mal. Bon, alors Cécilia qui est avec nous. Bonjour Cécilia. Salut Mickaël, salut Cécile. Ça va bien. Salut, belle voix. Bon, bienvenue à toi Cécilia. Oui, c'est vrai qu'on t'a eu hier toi, non? Oui. Ah oui, il y en a plein qui ont trouvé pour les prénoms. Bah oui, mais c'est normal en même temps, hein. C'est-à-dire que vous avez été fouillé sur internet. Ils ont eu un quart d'heure ouais, pour retrouver. C'est ça, vous avez été tapé sur internet prénom Angleterre 2009 et hop, là, l'affaire a été torchée évidemment. Bon, donc toi t'as la réponse toi Cécilia? Ouais. Alors c'est quoi? Mohamed. Eh oui, bah oui, bah oui. Mohamed en Angleterre. C'est Mohamed en Angleterre et au Pays de Galles. Mais non. C'est chelou. Eh ouais. C'est chelou parce que même les inconnus ont fait un sketch avec Momo. Non mais même Mohamed, je veux dire, il est moins utilisé ce prénom. Beaucoup moins quoi. Beaucoup c'est moins bizarre, carrément. Et donc Oliver figure en tête du top 10 officiel des prénoms pour les petits garçons et donc si on prend en compte les 12 orthographes sous lesquels apparaît Mohamed, c'est lui qui remporte la palme, donc Mohamed, Muhammad, Mohamed, etc. etc. Enfin, bref, ah ouais, Mohamed, d'accord. Et puis sinon, il y a aussi, j'ai trouvé les filles, parce que Emily m'a demandé en antenne. Donc, les parents ont opté avant tout pour, à votre avis, t'as une idée ou pas, Cécilia? Comme ça, tu pourras pas tricher maintenant. Attention, le prénom maintenant le plus donné pour les filles? Quand on n'a pas le temps de chercher, c'est dur. On peut pas chercher, c'est facile. Hein. Ah bah ouais. Alors en deux, il y a Ruby. C'est bizarre, hein, pour une fille, c'était le nom de mon chat quand j'étais petit. Oh oui, oui. Chloé, Emily, avec un Y. Mais moi, ça devait être ça à la base, c'est mon père qui s'est trompé à la maternité. Parce que ma mère, en fait, j'ai envie de raconter ma vie. Hein. Elle a rencontré un oncle qui habitait à Hawaï, mais je t'en avais déjà parlé. Non, on s'en branle. Je t'avais dit que je pouvais partir à Hawaï gratos. Ta gueule, Pierre. Mais il va pas parce qu'il a peur d'avion, c'est dur. Il vient une fois tous les 1000 ans en France et il lui avait présenté à l'époque sa petite fille qui s'appelait Émilie. Ma mère était bébé, elle avait genre 4-5 ans. Elle avait dit si un jour j'ai une petite fille, je l'appellerai comme ça avec un Y et tout, ce serait trop beau. Et mon père s'est abruti. Il est allé à la maternité, on lui a dit Y ou IE. Non, IE, on s'en fout. Ah bah encore, il aurait H-E-M, tu vois, c'est ça. Ça fait cagole, mais moi ça me serait bien allé. Non, mais t'aurais pu être tendance quoi en fait. Emily. Ça fait comme si toi t'avais été bien coiffé, t'aurais pu être tendance. T'aurais pu être tendance avec un vrai prénom quoi. C'est vrai que là, Emily, c'est joli, Emily quand même. Emily, c'est joli, ouais, Emily, mais avec un Y, ça aurait pu être. Mais c'est le même problème que Pierre, Mickaël, c'est trop, il y en a trop. Ouais. Bah, Cécile, c'est un nom de grand-mère, tu vois. Ouais, non, je connais, ça, c'est sûr. Oui, oui, je connais plein de grand-mères qui s'appellent Cécile. Ah bah oui, bah, c'est frustrant. Mais après, c'est un prénom qui traverse les années. Mais il y a, c'est moi, commun. Je connais pas, je connais mais que oui, toi, non, mais je crois c'est comme un prénom commun. Cécile. Marguerite aussi, c'est pas mal. Oh merde, Marguerite. Je connais pas beaucoup d'Emilie. Bon, sinon, il y a Sophie aussi qui arrive en cinquième et donc en première position. Trop les Sophie. Ouais, bah, Emilie, il y en a trop, quoi. Il y a mille Emilie. Et en première position, donc, chez les British. Non, Natacha. Non, Julia. Non. Perle. Ça commence par quelle lettre? Ah bah Rachida peut-être du coup. Non, non. Ça commence par non. Quelle lettre? Je veux pas le dire, c'est trop facile. Ça sinon finit il, par il, quelle il, lettre il a... Ah. Voilà. Ah mais pas mal. Jessica. Amanda. Non, on proposait Cassandra. Non, c'est pas. Elle dit Cassandra, pas c'est beau là. Et c'est parfait. Non, abuse pas non plus, non quand même. Hein. Jessica. Amanda. Ouais, Amanda peut-être Jessica. Pour Sex and the City. Non, c'est des non. Anglais, c'est pas américain. Ah, il y a Sandra qui a trouvé sur le Facebook. Sandra. Non. Ah bah c'est quoi, Sandra? Dis-le, Sandra. Monique. Non. Monica. Cécilia, t'as toujours pas trouvé? Ah, ça y est, bah j'ai vu, mais je dis pas. Olivia. Olivia, ouais, t'as été me chercher. Olivia, c'est trop beau. C'est Mohamed et Olivia. Ah, je déteste. Olivia, c'est joli. Oh, non. Olivier, non, si Olivia, déteste. Moi j'aime bien. Ouais, je comme Olivier Tom. Je préfère Olivia qu'Olivier, quoi. Ah oui, non, mais après, c'est pas pareil. Les, je préfère Olivia qu'Olivier. Ils sont beaux. Pierre, c'est beau. Ça m'énerve de lui dire, mais c'est très beau, Pierre. Oui, mais Pierre, c'est vieux surtout. Oui, mais c'est très beau. J'adore, moi, Pierre. Ça passe les années. Mais c'est comme Cécile, c'est beau. Excusez-moi. Le Pierre, c'était un prénom très utilisé en Corse. Pierre. Ouais, OB. Ouais, OB, ouais. OB. Ouais. Quoi, Pierre, c'est OB? OB. Pedro. Mais qu'est-ce que tu parles? J'ai l'impression que je parle à dire. Fais gaffe parce que ça se trouve, c'est des codes pour faire exploser une bombe. Je comprends OB. Rien. Mais le c'est quand le jaune sur le. Non, mais quand il dit OB, boum, c'est qu'il faut lâcher le bordel. Ah ouais. Ça se trouve, il y a quelque chose qui va péter au même moment là. Ouais, oui. Tu vois, quand l'immeuble en face, il s'effondre. OB, ouais, en fait, il envoie des codes. Il envoie des codes à ses potes corse là. Ouais, ouais, OB, OB, OB, OB, OB, OB. Voilà, c'est ça. Bon, et Mohamed qui dit putain, Mike, tu m'as fait flipper quand t'as dit mon prénom. Bah oui, mais c'est le prénom qui est le plus donné en Angleterre. Et Hugues dit Pierre, c'est dur. Ah non, c'est trop beau. Non, Pierre, c'est dur, la vanne. Pierre, tu vois. Pierre, c'est dur, ouais. Pierre, c'est dur. Genre un caillou, quoi. C'est un caillou, quoi. Ah, genre une pierre, c'est dur. Voilà, c'est ça. Et alors, Aurore qui dit Aurore, ça doit être le dernier. C'est bon, ça. Je ne sais pas, mais c'est pas mis dedans, en tout cas, quoi qu'il en soit. Bon, et puis, qu'est-ce que j'allais dire? On avait déjà dit, mais t'appellerais comment ton fils ou ta fille, toi? Ton fils ou ta fille? Noah, j'avais dit, et Charlie. Pour la fille? Ouais. Charlie et Raphaël. Charlie, oh, mais il faut non mais pour une maintenant. Fille, c'est dur hein Charlie. Hein. Charlie, pour ça une fait fille. Mec. Hein. Ouais, Charlie, beau, Charlie, faut qu'elle soit magnifique parce que si une grosse comme moi quand j'étais petite, c'est mal barré. Mais bah, à ce moment-là, sinon, bien, éventuellement, tu peux en adopter une. Ouais, Salomé, j'aime bien aussi. Mais ça fait très fesh. Ça fait très salaud aussi déjà. Le problème, c'est qu'elle va se faire traiter de salope, donc ah bah, ça va m'embêter parce que je salope, salope. Mon amour de fille, je l'aime déjà. Quelle horreur. C'est dur. Une petite boulette avec la frange, mon amour. Oh là là, elle ressemblera à Bou dans Monstres et Compagnie. Oui, c'est vrai. Ça va être horrible. Et toi, Emily, comment? Les prénoms? Ouais, je me souviens plus. On en avait Jacqueline. Déjà parlé il y a 20 ans, mais bon. J'ai plein de prénoms, mais j'aime Marcel, bien des trucs chelous, ouais. J'aime ah oui, c'est vrai. Chelous, elle, c'était la France, hein. Oh là là. Paul. La France, d'abord. Marcel. Hein. J'aime bien Pio aussi. Oh merde, Paul et Marcel, quoi. J'aime bien plein de trucs. Paul et Marcel. Et Mika, ça va être Pio. Le parrain. Oh, ou ouais. Le père. Ou les deux. Le père. Ou les deux. Moi les gamins, ouais. Hein, moi je dirais pour les filles, j'avais dit Lilia parce que j'adore Liliar. Non, Lilia. Ah, Liliar. T'as ouais, tué Liliar. Le prénom de Liliande. Ouais, ouais. Liliour. Lilou, Lou, enfin les trucs en L, j'aime bien, mais Cécilia, j'aime bien Olivia, j'aime bien des trucs qui finissent en A. Ça d'accord. Va, ça va bien. Et pour les mecs, Alors attends, je vais te couper. L'autre jour, on mange à la cantine avec ah ouais, c'était avec Mika. Drôle. Et on commence à parler des prénoms. Et Mika dit c'est bizarre parce que tous les prénoms qui se finissent en A, les fils, ce sont des salopes. Ah, c'est moi qui ai dit ça. Oui, non, parce non, que j'ai... non, non, pas du tout. Je ah vous ai dit, mais arrêtez à vous un petit peu. J'ai ma petite sœur qui s'appelle Lilia. Et je Lilia. M'excuse hein, pour Cassandra c'est... et toute la voilà, bande. Là, mais Lilia j'ai dit, Lilia. Les meufs qui ont des prénoms en A, généralement, c'est des chiennes, genre enchantée Samantha, salut Natacha, bonjour Olivia, tu vois. Et ma nièce s'appelle Laura et tu vas retirer directement ce que ben tu voilà, veux dire. Donc, écoute, non, mais c'est pas une. Et attends, à et côté à ce de moment-là, nous, il y avait un mec à côté. Un mec de Goom qui est genre le big boss du site, tu vois. Qui a genre 45 ans, quoi. Ouais. Et genre, c'est pas notre pote, quoi, tu vois. Enfin, on l'adore, mais c'est pas le mec avec qui on va boire des verres samedi soir. Quoi, tu vois. Non, mais c'est la première fois qu'on lui parlait. Il est venu s'installer parce qu'il déjeunait tout seul. On lui a dit oui, bien sûr, viens t'asseoir avec nous. Et à ce moment-là, on commence à parler ça. Donc Emily dit ça. Et Mika lui dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Et moi, je lui dis, bah attendez les filles, avant de, parce qu'elles se marraient entre elles. Elles faisaient Samantha. Là. Je fais avant de trop vous marier, attendez, parce qu'autant, je sais plus comment il s'appelle. Il a une fille qui avec un prénom qui finit par A. Et il relève pas. Et genre deux minutes après, il fait ouais, moi j'ai trois filles. Et là elles font comment, c'est quoi les prénoms? Et là il fait Anna, Nana et Léa. Et il tire une de ses putains de gueules, il était dégoûté. Trop mal. Tu m'étonnes. Bah, en gros, vous aviez traité sa fille de salope. Ouais. C'est ça, vraiment. En fait. Hein. Faut faire attention alors à ce genre de truc. Ans, hein. La pauvre. Et toi, Cécilia, t'appellerais comment ton fille ou ton bah, ta race? Pourquoi je me trompe tout le temps là? Ta fille ou ton fils? Ben moi, mon fils, ce sera Alonso et ma fille, Layana ou Léana. Léana ou Layana, d'accord, ok. Voilà. Et le corps, c'est quoi? Oui, c'est des noms bizarres encore là. Ouais, c'est pas des noms bizarres, c'est noms des noms de chez moi, donc c'est pas des noms bizarres. Si, c'est bizarre. On est la plus belle île au monde, là, c'est pas pour rien qu'on nous appelle île de beauté. Mais vous êtes un caillou. Eh oui, non, mais bon, l'île de beauté. C'est un caillou, la pierre. Lisa, on peut mieux, là. On nous a jamais appelé comme ça. C'est le caca du continent. Parce que vous êtes jaloux de nous, c'est pour ça. Chez les Corses, Lisandre. Lisandre, ouais. J'adore. Tiara Steele. Une fille. Non mais tiens, j'ai l'impression d'être dans un sketch à chaque fois qu'on parle. C'est mais de je comprends rien. De pan. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Oh, et ouais. Toi, Mickaël, t'avais dit quoi déjà à Aaron? Pour les filles, je sais pas, mais Aaron pour un mec, ouais. Et Aaron, ça claque quand même. Non, pour Aaron, les filles, je sais pas. Bah, si vous avez des idées, tiens, pour les prénoms de filles, même si c'est pas prévu pour là tout de suite, hein, mais t'inquiète, on trouvera, mon chéri. Non, je te confirme que non. Là. Donc voilà. Donc Aaron, ouais, pour un mec, j'aime bien. Donc voilà, à voir. Et Pierre, c'était quoi encore? Ah, moi, c'était rien du tout. Peut-être. Michel, il va l'appeler Bidule et Pierrot. Fils de François. Ouais, Pierrot et Junior. Oh, un petit Pierrot Junior, c'est drôle ça. Oh, c'est dur. Ouais, c'est vrai, en plus je l'avais dit l'autre coup. Je pense que j'appellerai mon fils Pierre aussi. Non, mais ah oui, c'est vrai, je l'avais dit. Pierre Junior, tu sais, quand il a 50 piges. Ouais. Pierre Junior. Vous êtes appelé à la barre. Mais bon, dis-moi, tu rigoles, mais j'ai un pote à moi qui a appelé son fils Junior. C'est un truc de fou. Ah oui, mais c'est. Je suis quand même en train de réaliser que ma petite sœur de 2 ans s'appelle Mila. Bah, excellent, d'après ce que tu viens de dire. Et quoi? C'est une salope d'après ce que elle tu viens de dire. Elle a 2 ans, calme-toi, parce qu'à tout c'est moment, je peux lever mon dire. Casque et te démonter. Oh, voilà. En fait, elle s'apprend toujours qu'elle pèse. C'est ça. Ouais. En fait, elle s'appelle Mila Rose. Donc, c'est, mais ça on l'appelle Mila, quoi. Ben, Mila est rose, en fait. Mais pourquoi? Elle a Mila Rose dans un vase. C'est pour ça. C'est génial. Elle va être martyrisée, la petite, c'est une victime. C'est drôle, ouais. Bon, allez, on aura Julien dans quelques instants avec nous. Ne bougez pas de là. On va revenir. Et vous aussi, d'ailleurs, 01 55 64 13 24, si vous voulez réagir. Et puis Mike Posner, on écoute Please Don't Go maintenant sur Goom Radio. Mike Posner à l'instant, c'était Please Don't Go, tous les soirs entre 20h et 23h. Allez, vos messages qui arrivent sur le groupe Facebook, facebook.com/mikaelofficiel, avec Tania, Gwendoline, Latifa, il y a Lionel aussi, il y a Joey qui sont tous connectés sur le groupe Facebook ce soir. Donc bah allez-y, hein, si vous voulez encore balancer vos messages. Et on a maintenant avec nous au standard Julien qui est là. Salut Julien. Salut, tout le monde. Comment Salut. Ça va? Eh ben ça va très bien. Bon bah écoute, tant mieux, hein. Sois le bienvenu Julien. T'as quel âge? Julien de Secret Story. T'as quel âge et dans quelle ville? Et de Toulouse, bah oui, c'est le même Julien que Secret Story. Eh bah ouais, hein, mais t'as un accent plus prononcé qu'avant. Ouais, c'est ça. Ouais, bah c'est Julien quoi, j'ai plus changé. Bon alors Julien, donc Toulouse, on l'avait donc remarqué, je pense. Et donc tu nous appelais pourquoi? Et bien, j'appelais tout simplement pour parler de nouveau site que j'ai lancé il y a quelques semaines, le 1er octobre. Ouais. Donc, un site au concept original. En fait, c'est largueparcourrier.com. Le but, oh, merde. En fait, c'est larguer son mec ou sa copine par un moyen original et peu courant, quoi. Ah oui, bah, c'est original, mais c'est lâche un peu quand même, hein. Un peu, ouais. Mais c'est dégueulasse, ouais. Bah, c'est marrant. Et c'est toi qui l'as lancé, ce site? Ouais, c'est moi qui l'ai lancé. Je te vénère, Julien. C'est chapeau, bon. Bill Gates. Mais alors, comment ça marche? Explique-nous peut-être un petit peu en détail, là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que la meuf reçoit ou le mec reçoit comme mail ou comme courrier? Alors, en fait, ça, je peux à la limite vous envoyer un ou deux exemples. Ouais. C'est des lettres types, en fait, en courrier, qui sont un peu modifiables. Donc, au moment de passer la commande sur le site, la personne choisit si elle veut modifier la lettre un peu, etc. Elle note ce qu'elle veut faire. Mmh. Et après, moi, j'envoie le courrier modifié selon les besoins de la personne. Ah d'accord, donc en fait, la personne t'envoie un mail, elle t'explique un petit peu ce qui se passe et toi, tu tapes la lettre. Ouais, ça se passe, mais c'est via le site. Quoi. Mais t'es un petit pervers. D'accord, ok. Non, mais c'est pas mal. Et du coup, c'est parce que j'imagine que c'est payant, non? Oui, c'est payant, ouais. Et c'est combien? Alors, c'est en ce moment, c'est 4 euros. 4 euros pour la lettre? Oh bah ça va. C'est pas excessif, hein. Et alors, c'est pas excessif, tu plaisantes ou quoi? T'as des options différentes ou pas? C'est genre, ou des options plus chères si tu proposes d'autres services? Non. C'est mais le mec pour ce prix-là, le mec qui largue sa nana, est-ce que tu lui proposes une autre qu'il suce? C'est pas prévu dans le truc encore. Bah, il faut que tu prévois direct, hein. Ah ouais, prévois ça, hein. Prévois ça et moi je m'inscris direct à ton truc. Hein. Je te le dis. Hein. C'est l'idée. Ah bah c'est sûr que si tu peux effectivement larguer, mais qu'à côté de ça t'es sûr d'avoir quelqu'un d'autre. Bah ouais. Oh, l'idée est sympa quoi. C'est clair. Ça peut être pas mal. Ah bah l'idée est même très sympa. Hein. C'est à tester ouais. Un peu compliqué à mettre en place quand même. Oh bah oui. Tu sais, les femmes de l'Est, on a le Corse ici, à mon avis, il y a des bonnes adresses. Ouais. Ah oui, les adresses, c'est pas ce qui me manque. Et t'as déjà écrit des lettres cheloues, on t'a demandé des trucs chelous ou pas? Chelou, non, mais bon, des fois, il y a des gens qui veulent des trucs un peu méchants, ça arrive. Ah genre, vas-y, explique-nous. Bah, des trucs qui sont un peu humiliants, déjà. Enfin, je sais pas, des ouais, parce que les mecs, ils ont la haine, non? Ouais, voilà, ça arrive. Et bon, le but aussi, c'est bien marqué sur le site, c'est pas un truc qui soit pas méchant non plus, tu vois. Ouais. Donc ça reste un peu... Mais t'es bon, Julien, moi tu fais du business. Mais grave, et tu t'acceptes ou tu refuses quand c'est méchant, justement, tu refuses? Non. Bon, non, quand c'est vraiment trop méchant, je... Ouais, je, tu dis pas, quoi. Dis, bon, attends, voilà. Compte 4 euros, mec. Bah voilà, c'est ça, si t'as besoin de bouffer, bah tant non, pis. Non, mais non, 15 euros, le truc vraiment gore et méchant, quoi. Ou 10 balles. 15 euros, tu sais ce que... Le concept existait déjà un peu en Allemagne, il y a un truc du style qui existait en Allemagne. Et je me suis inspiré un peu de ça. En Allemagne, c'était beaucoup plus cher que 4 euros, quoi. C'était 15 ou 16 euros. Et c'était un truc un peu différent. Non, mais t'as option crémation, non? Option, ouais, j'allais dire suicide, mais non, en fait, c'est pas une information. Option gaz. Et donc, du coup, t'as déjà eu des retours, tu sais, des réponses, peut-être, des gens à qui t'envoient le message? Mais pour l'instant, non. Alors, ça a été lancé il y a pas longtemps, donc pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Ça risque d'arriver un jour ou l'autre, oui. Ah, bah, il y a peut-être des gens qui vont te répondre parce que quand on voit le courrier, en fait, donc ça se fait par mail, pas un courrier. Il y a une adresse type. Un courrier postal par la poste. Ça passe par la poste. Oui, par la poste. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des photos et tout? Alors, non, mais ça peut être une option. Justement, j'étais en train d'y penser. Alors, ajouter la possibilité de mettre des photos. Et tu me fileras un pourcentage parce que je t'ai donné l'idée là. Ouais. Sinon, j'ai eu une autre idée, moi, mais ça, c'est un peu méchant quand même. C'est mettre la photo du nouveau mec ou de la nouvelle copine. Oh non, ah, c'est bon ça. Ah, mais ça c'est bien, ça doit être, ça doit être une option en sus. On parle pas de sucer, voilà. C'est la meuf qui fait. Non, mais... je suis vraiment chaud là, ne dis mais pas non, mais sucer. Une option en supplément plus, quoi, en sus. Ouais. En sus. Chaud, voilà, c'est ça. Qui suce qui, on comprend pas, Mika. Sus. Et tu fais comment tu fais ta pub là, en ce moment, Julien? Bah il passe sur oui, les radios. Oui, non, mais après à l'école et tout, t'en parles un peu? Ouais, bah j'en parle un peu autour de moi. Sinon, ouais, j'ai fait des radios, j'ai fait de la pub Facebook. Ouais. T'es parti aussi aux States, et, hein, t'as fait une tournée? Non, pas encore. Truc improbable. Ouais, je fais la première partie de Madonna pour tu sais que ça peut cartonner, Julien. Mais pour le bon, oui, ça peut. Mais oui, c'est énorme. L'idée est cool. Après maintenant, ouais. 4 euros. Bah 4 euros, moi il faut je préfère que ce soit rentable, vraiment, hein, tu vois. Ou alors tu vas devoir tu et vas 4 devoir, euros, tu c'est vas le veil que écrire, tu hein. perds que tu payes quand tu vas larguer la meuf, quoi. Tu vas la voir, tu lui payes un petit verre et tu lui dis écoute, c'est terminé. Une meuf de pas longtemps, je parlais à mon avis, les gens qui font ça, non, c'est pas des histoires pas, de 15 on ans, prend quoi. Même pas le temps de me. Bah, ce que j'allais dire, d'où tu payes un verre, tu vois, là, tu vas te faire foutre, c'est fini, stop, casse-toi. Oh, quelle violence. Voilà. Tu lui dis, ça, tu lui dis rien, tu lui réponds pas, c'est tout. Moi, je suis pas comme ça. Mais en plus, hein, il est pas comme ça. Je fais croire que je suis perdu, que je sais pas où je vais, puis. Grave. J'aime bien Milly, comment elle l'a dit, grave, tu vas dire la Julien, même chose. Mais Julien, est-ce que t'as eu cette idée parce que toi-même tu t'es fait larguer? Je sais pas si vous avez posé la question tout à l'heure, mais. Non. Parce que j'étais c'est au standard. La question qu'on me pose tout le temps. Non, pas eh, du tout. Attends, non. Je fais une pause, mais putain, c'est dur l'odeur de votre douce, hein. Là, c'est. Même moi, ça m'éclate. Mec, putain, ah, ça. Ouais, mais t'avais qu'à te laver, Mika. Ah, je vais ouvrir la fenêtre, là. Ça sent la teub, hein. C'est con. Oh là là là là, putain, ça pue. Et même quand pas, votre gosse, même pas ils prennent à boire pour nous, hein, t'as vu, hein. Ouais, que dalle. Bah, j'avais demandé que un coca zéro pour toi, il a oublié le mec. Ouais, bah, donc comme il, par m'a, hasard, il ouais. m'a enlevé les brochettes de bœuf de Emily et plus le coca zéro. C'est pas vrai, le mec a dit je vous offre un coca zéro. Elle a dit que dalle, gardez-le tout. Ouais, je préfère avoir deux brochettes en plus. C'est pas vrai. Ouais, si je peux plus bouffer, je préfère, ouais. Bon, bah très bien. Et donc, du coup, t'as lancé ça quand, tu nous as dit encore? Quand il s'est fait larguer. J'ai lancé ça le 1er octobre. Et t'as déjà eu du coup combien de clients? Combien? On en est à un peu plus d'une centaine. Ah, comment ça? Ah, ouais, salaud, hein. Ah ouais, putain! 400 balles! Ça te fait 400 euros le mois, c'est bien, quoi, tu vois, en plus, comme ça, c'est cool. Ouais, 400 bien euros, sûr, tu ne payes pas les taxes. T'es tout seul? Ouais, c'est non, mais c'est vrai. Non, 400 euros, c'est vrai que tu dois payer le courrier, le ouais, papier, attends, l'enveloppe. Ah, bah, non, c'est vrai que dans les 4 euros, parce que je me fous de ta gueule, je dis que c'est cher. Mais en fin de compte, quand t'as l'enveloppe, les conneries, le concept, le site et tout, c'est vrai que tu gagnes pas beaucoup en fin non, de compte. Non, mais le site, si t'arrives. Oh, bon, ça va, je veux dire, t'as pas d'employés, 3 employés et tout, non, toi. Mais c'est ça, il y a. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié qui part en charge. Ah bah oui. Non mais attends, France, hein. Mais non mais d'accord, mais tu te payes pas quand même là-dessus, rassure-moi. Non, pour l'instant, je me paye pas, non. Alors, donc t'as pas de charge sociale. Ça va plus coûter le sou, au contraire. Non, mais voilà, non, mais t'as pas de charge alors, si tu te payes pas. Bah écoute, tu me fais de la peine, j'ai largué ma meuf. Bah, allez, 4 euros, boum. Envoie-moi un mail, je t'offre un largage gratos. Oh, c'est cool ça. Mais pourquoi tu augmentes pas tes prix? Parce que à la base, c'est 6 euros, et là, pour les deux premiers mois, j'ai mis à 4. Donc. Ah, c'est 6 euros, c'est peut-être un peu cher quand même. Non. Hein. Eh mec, je prends au vol l'offre que tu fais à Pierre. Je suis très sérieux par contre, moi. J'ai besoin d'un délire. Allô? Attends, oui. Tu peux le payer, Mika, hein. Allô? Elle écoute là? Qui? Elle écoute et elle sait que tu vas la larguer par l'aise, quoi. C'est mais non, mais c'est une vanne. C'est ça, autant ne pas dépenser les 6 euros. Mais c'est une vanne, je vais larguer personne. Tiens, dites-nous, tiens, si vous avez, comment vous avez déjà largué vos mecs ou vos meufs, ou est-ce que vous seriez prêt à mettre 4 euros là dans une. Dans une lettre en l'occurrence. Il y a eu qui dit c'est juste un truc d'enfoiré quoi en fait. Ouais t'es un branleur non. Bah non c'est un homme d'affaires c'est bah, bien. C'est bien sûr. C'est bien. Une idée comme une autre. Non moi je trouve ça et pas on peut mal. On peut faire par téléphone aussi. Ah bah voilà par téléphone. Ça c'est moins cher. Mais c'est la voix de qui? Ou c'est plus cher? C'est toi qui appelles du coup? C'est la voix de moi oui. Il met une chanson. C'est la voix de moi. Ah ouais c'est la voix de moi. C'est combien par téléphone? C'est pareil, même prix. Ah, c'est 4 euros aussi. Ah, là, t'es un enculé parce qu'avec tous les forfaits. Tu me fais rêver, toi. Tous les forfaits gratuits. En plus, il largue quand c'est illimité, c'est après 20h. Ouais, ouais. Je voudrais l'appeler à 15h au travail. Non, non, par contre, c'est mort. C'est je l'appelle à 21h chez elle. J'ai plus de forfait, ouais. Je peux plus, là. C'est Antoine qui dit mort de rire, il s'est pas fait chier, lui. Nicolas qui dit, moi, je dis, vaut mieux être honnête, c'est plus appréciable. Mohamed qui dit, débranche en ce temps-là. Pour le rapport. Attends, il s'est pas fait chier, mais il l'a fait, je suis désolé. Ah ouais, mais c'est bien. Il a bien, monté un site et tout, il a les couilles, je sais pas. T'as quel âge, Julien? 19. Ah non, c'est bien. Mec, il a 19 ans, il crée sa micro-entreprise, il fait son petit site, il fait. Attends, je suis désolé, moi je te dis bravo. Non, franchement, ouais, c'est pas mal. Ça concerne surtout les personnes qui sont en couple depuis pas longtemps et qui bah oui, évidemment, c'est voilà, c'est un truc bon enfant quoi. Oui, bah, c'est un mode joke quoi. Tu vas pas non plus faire des divorces, hein, on est d'accord. Bon, reste avec nous, Julien, si tu veux encore 5 minutes, on va essayer de voir s'il y en a d'autres qui auraient éventuellement, pas des conseils à donner, mais voir un peu comment est-ce qu'ils ont déjà largué leur copain ou leur copine, ou est-ce que vous seriez prêt justement à passer par les services de Julien, donc à 4 euros la lettre de rupture. Oh là là. C'est ça en fait, hein. Donc voilà, on voit ça, vous pouvez nous appeler au 01 55 64 13 24, donc et puis sur le groupe Facebook aussi pour réagir, c'est sur facebook.com/mikl officiel. Bon, bouge pas Julien, on va revenir aussi dans un instant avec puisqu'on est dedans, il y a des statistiques en fait qui sont sorties sur les métiers avec lesquels vous avez le plus de chances de perdre votre copain ou votre copine. Bah, le y'a pas animateur radio. Attends, bah on va voir ça dans un instant. Ça dans un instant. Et on va s'écouter d'ailleurs d'abord maintenant. Qu'est-ce qu'on va se mettre Pink maintenant. On en avait parlé tout à l'heure avec Raise Your Glass. Voilà le son de Pink à l'instant sur Gaume Radio. Pink avec Raise Your Glass. Et tous les soirs entre 20h et 23h, vos messages qui arrivent sur le 01 55 64 13 24. Et bien sûr sur Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, il y a Pauline qui dit en fait j'en ai marre qu'on parle de rupture. Oui, bah c'est peut-être parce que tu viens de te faire lâcher là, éventuellement. Ouais. Bon, et Tania qui dit Julien, attention aux fautes d'orthographe sur ton site, 0 crédit. Ah, mais ouais, merde, y a, Julien. Il est toujours là, Julien, tu l'as, le corps. Il devrait, mais bon, le corps c'est en pleine une gestion d'autre chose là. Oui, ah, voilà. C'est ça. Non, c'est pas Julien là. Oui. Ah, si, il est là. Apparemment, il y a beaucoup de fautes d'orthographe sur ton site, hein, Julien. Hein. Ah. Possible, ah ben, il va falloir corriger ça très vite, hein. Et ouais, j'en ai déjà corrigé pas mal, mais il y en a quelques-unes que je passe au travers. Bah tant que tu les mets pas sur les lettres de rupture. Sur les lettres. Je te quitte, K-I-T. Je te quitte. Il y a Noémie aussi qui dit moi pour larguer mon copain, je l'ai noyé dans la piscine. C'est rapide et c'est gratuit. Oui, mais par contre tu prends 20 ans, c'est dommage. C'est clair. Il y a quoi aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme message. Et en même temps, Julien, il peut pas être bon en orthographe et regarder. Secret Story quoi. Oui, mais bon, après ah, ça veut dire que c'est quand même une émission. Que critique, non mais non je plaisante. Bah ouais Julien, t'inquiète hein. Si tu fais ton bis c'est bien. Ouais mais t'as raison, c'est un bon business. Ouais. Pour le coup, c'était pas une mauvaise idée. Et bah justement, tu vas peut-être pouvoir avoir plus de clients. Et tu sais, quand tu dois aller envoyer des petits prospectus, c'est pour faire la promo là, tu vas pouvoir savoir maintenant chez qui il faut les envoyer. Donc apparemment il y a 15 professions plus sensibles pour les hommes d'ailleurs comme pour les femmes. Le 14e, c'est là où t'as le plus de chances de casser avec ton mec ou ta meuf quand tu fais ce métier là. C'est quand t'es le personnel de maison, les femmes de ménage, 26%. Ah bon? Ah bon, pourquoi? Ouais. Parce que tu te tapes le client éventuellement. ou que le client se tape la femme de ménage, par exemple, ça marche dans les deux sens. C'est bien, ça. En 13, j'ai pas compris pourquoi, les couvreurs. Tu sais, les toits, tout ça, là. Mais c'est quoi? Ah ouais, c'est ouf, ça. Mais perdre, c'est peut-être de décès? C'est ça? Non, les ruptures, les divorces, rupture parce que t'as trompé ou parce que voilà. J'allais dire, il tombe du toit. Non, oui, là, ouais. En 12, les serveurs. Ouais, bon, ça, d'accord, parce que c'est vrai que tu côtoies. Tellement de monde que. Tu côtoies du monde, tout ça. Obligé de brosser un petit pourboire, je vous donne en nature, ok, j'écarte. 27%. Et généralement, tu l'as rencontré. Il doit avoir cliente, toi. Michael, quoi, casse-moi, serveur, déjà, c'était il y a 2-3 ans. Et personne m'écoute, j'adore. Mais si on t'a écouté, t'avais fini ta phrase. Et le Corse qui a démarré avec son tutu rose, là. Alors, le Corse, aujourd'hui, il est habillé, les amis. Mais on dirait. Bon, on dirait, où est Charlie? Où est Charlie? Mais dites-moi, j'adore ce pull. C'est quelqu'un qui me l'a offert et la personne qui me l'a. C'est un ennemi. Non seulement la personne photo, qui me l'a offerte, je l'adore énormément. Et je sais plus, je l'aime, donc voilà. Non mais d'accord. Trop beau avec. En gros, si ça vous convient pas, ben tant pis. Non mais après ça je ne dis pas le contraire. Mais quand quelqu'un peut m'offrir quelqu'un que j'adore le plus au monde m'offre un truc qui est pas beau, c'est gentil, mais moi il me plaît. C'est le principal. C'est gentil, mais il faut penser à ceux qui regardent aussi, hein. Mais je m'en fous des autres. Non, c'est vrai, on dirait un gros baigneur. Et là, si t'avais une couche, ce serait trop mignon. Avec un petit biberon. Qu'est-ce que je t'ai dit, moi, tout à l'heure, qu'il était trop beau ton pull? Ouais, c'est vrai. Il y a qu'Emily et Cécile qui ont dit que mon pull était beau. Ah ouais, c'est bon, normal, c'est deux faux culs. Non, ah ouais, c'est vrai. Mais il a de la couleur, il est bon, on dirait où est Charlie. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, alors en numéro 12, donc les serveurs, j'avais dit en numéro 11, les télévendeurs. Ouais, c'est eux qui, tu sais, ceux qui tchatchent. Ouais, je peux vous vendre ça. Bon, bah, je peux vous le livrer tout à l'heure si vous voulez. C'est comme tu te fais chauffer, je l'ai fait, staff là, et tu te fais chauffer ta race par des clients. Mais paraît que tu peux bien gagner aussi si t'es bon, hein, tu sais, avec des primes et tout ça. Ouais, là, clairement, parce que c'est nombre d'appels par heure et tout machin. Voilà, et si t'es très bon, tu te frappes des payes d'enculé. Bah ouais. Tu bosses genre 5 heures par jour, tu ressors, t'as plus de 2000 balles net par mois. Ouais, c'est comme Pierre ici. Ouais, pareil. Quand je fais des canulars, je suis payé à la pièce. Ah bah c'est ça, c'est pour ça, il y en a plein. En 10, les porteurs et les porteurs de bagages et les concierges. Ouais, tu sais, genre dans des hôtels. Les porteurs de bagages. Oui. Je vous dépose ça, tu sais, le film porno. Je dépose les valises, sur le lit. C'est pas du tout des gens qui me font fantasmer, quoi. Le mec, il me paye une porte, mes bagages, pour moi, c'est un larbin, quoi. Non, mais d'accord, parce que t'es capable de pouvoir. Bien. Mais quand tu veux taper des petites soubrettes. Ça dépend, c'est parce qu'elle va à l'hôtel Ibis. Alors, du coup, ils ont moins la classe. C'est super. Si tu vas dans des hôtels classe, les mecs, ils ont la classe, hein. Non, je vais dans des grands hôtels, mais les mecs, ils font pas quoi, des grands hôtels, t'as des Ibis qui sont très grands aussi, mais le Martinez ou le Hilton. Oh, c'est moche le Martinez, c'est dur. Le c'est Hilton, moche, je sais pas, c'est un grand hôtel, quoi. C'est plus ce que c'était, hein, le Hilton. Hein. D'ailleurs, j'ai volé leur clé quand je suis parti. C'est des heures qu'il est dans toutes les chambres. Elle est contente. Oh là là, qu'est-ce que ça, toi? Bon, en 9, les artistes et travailleurs du divertissement. C'est bien ça. On est là, les saltimbanques. On est en 9e, hein. Faut pas s'enflammer non plus, hein. 9e de. Ouais. Ah ouais, d'accord. En 8, les aides-soignants, les aides en psychiatrie. Normal. Et les aides à domicile. Ouais. Le fantasme. Et, là, et tu sais que c'est un endroit où ça baise énormément, hein. Oh, mais les aides. Dans les hôpitaux, dans les. Là, la baise, c'est Grey's Anatomy, ça. Non, mais je veux bien, mais les aides en psychiatrie. Mais oui, en psychiatrie. Même en psychiatrie, les fous en truc, tu crois qu'ils font? Ils jouent pas au monopoly. Mais les infirmiers, les aides-soignants. L'infirmière, qui baise l'infirmière, ça existe aussi. De force, c'est un viol, ça. Bah, peut-être, alors, c'est bizarre, hein. Enfin bon. Peut-être pas. Bah, pourquoi pas. Qu'ils aiment ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En 7, les opérateurs de téléphonie. Ah, bah oui, parce que domicile. Ah, parce que domicile, ils connaissent l'adresse, le numéro, ils peuvent envoyer un texto, c'est le soir. Alors, bonjour, ça s'est bien passé, votre connexion, vous avez réussi? Moi, moi aussi, mais avec, vas-y, raconte, après moi, c'était chez la Fnac. Je veux juste te dire qu'un mec que j'ai eu au téléphone avec qui j'avais parlé, que j'avais trouvé hyper sympa et tout, il m'a après envoyé des textos. Moi aussi. Il m'a dragué par texto. Par Facebook. Mais sur Facebook, il était horrible. Bah, tu sais que tu portes plainte, le mec, il prend cher. Mais une fois que quelqu'un. Ça va, je m'en fous. Mais toi, tu prends beaucoup pour harcèlement et tout, contre la boîte. Ah, bah oui, tu m'étonnes. Bah ouais. Moi, c'est à la Fnac, j'avais vraiment les gars pour ce boudin là. J'avais acheté un plasma et le mec, il avait un peu craqué sur moi, il m'avait numéro. Et du coup, il m'avait rappelé en me disant "Ça va, vous avez réussi à brancher votre plasma?" Non, votre connard, il y a deux fils. Et du coup, réparateur de photocopieur quoi. C'est bonsoir, c'est le réparateur et du coup, sur Facebook, de l'écran plasma. Et tiens, je me suis fait brancher aussi, j'avais un accident de scooter à Marseille. T'arrives jamais à tenir sur deux roues. Non. On m'avait pris et j'étais arrivé bon, tu vas faire un rôle là, vas-y tu veux. Ouais, je peux. Vas-y. On m'avait pris sur une chaise roulante et tout parce que j'arrivais plus à marcher et le mec il me faisait passer les comment t'appelles ça? Le plasma. Bah non, je trouve ça drôle. Attention, mais c'est con. C'est drôle, regarde comme c'est drôle, elle galère. Les manches. Mais non, quand tu te casses un bras, tu fais une attelle. Une radio, voilà, tout simplement. Oh, une radio. Alors, tu bosses où ici? Mais oui, dans une radio, mais c'est pour ça. Quand les mots sont les plus simples, des fois, tu les oublies, ouais, Jérémy. Bah, enfin, bon, oui. Et du coup, donc là, il me dit, je lui dis, vous pouvez sortir? Il me dit, non, non, je reste. Parce que normalement, quand tu te déshabilles pour prendre la radio, tu sais, le mec, il sort. Et le mec, est resté juste le pour. Le mec, il est resté, il dit, non, je reste avec vous. On sait jamais, vous avez pris un gros coup. Si vous tombez dans les pommes, je suis là pour vous ramasser. Pour vous mettre un gros coup, moi aussi, juste derrière. Non, et après, il m'avait poussé avec la chaise roulante dans l'ascenseur et on était restés tous les deux. Vous êtes tombés. Et il m'avait appelé, j'avais continué un peu à l'appeler parce que ça m'excitait. J'avais envie de vivre ma vie d'urgence, genre avec George Clooney. Ah ouais. Oh, putain, et moi, j'avais un pote qui était étudiant et en même temps, il était gardien d'un genre d'un immeuble. Tu vois, genre, il avait un appart gratos grâce à ça. Mais il réparait, faisait des petits trucs des travaux d'entretien et tout. Il me dit, j'ai jamais autant baisé que quand j'ai fait ça. Parce qu'il rentre chez la meuf, alors que les meufs qui sont là, qui disent, Pierre, je t'en supplie. Le mec qui se barrait, à 9h, la meuf, elle disait, ah, j'ai ma machine, truc, l'arrivée d'eau n'est pas truc, vous pouvez pas vérifier. Ah oui, et là, c'est pas que mon pote, hein. Ouais. Mon pote qui est vraiment à chaud de la bite. Il y va direct, et là, tarot, il lui a fait bouffer son édredon, hein, l'autre, là. Mais j'ai un pote qui était électricien, et il me disait pareil, quoi. Les meufs mariées avec des gosses et tout, ah oui, et une fois que tout le monde est parti, elles se font démonter. Ah, même des cartouches, hein. Attends, y a pas de raison. D'ailleurs, hein. Nos mères à tous. Bon, alors sinon il y a aussi les ouvriers d'usine dans l'industrie alimentaire. Alors ça je vois pas le rapport. Quoi ? Les ouvriers d'usine dans l'industrie alimentaire. Bah, 30%. Alors pendant, 5. Ouais. Pendant qu'ils font un jean et ils doivent se parer, je sais pas, comme je dans sais les pas. Hôpitaux, ils doivent soit s'enculer entre eux, soit. Alors en 5, les opérateurs de machines. Alors ça c'est un peu vague quand même. Hein. En 4, les employés de casino. Bon là on recommence à arriver dans le top 4 qui est intéressant. Ah bah là oui. Casino Carrefour ou. Mais non, casino. casino. Non, mais je rigole. En 3, les masseurs. Bah oui, forcément. Alors les masseurs, au niveau du massage, un petit massage et hop là là, c'est ça enchaîne. C'est un épisode de Sex and the Sam. Je suis sûr qu'en 1 c'est le gynéco. Les gynéco, mais bah calme-toi. Non, c'est un médecin. Mais moi, mon gynéco m'excitait, c'était un homme et je vous avais raconté un truc, mais je Très bien. Non, mais ça semblait bien ce que Emilia voulait finir son histoire avec sa masseur. Oh, bah d'ici là, elle aura fini vers 23h. Sex and the City, non. C'était dans Sex and the, mais c'est nul maintenant. C'est, ça mais dans Friends aussi avec Phoebe. Mais dans Sex and the, toutes les meufs en fait se font masser Sex et. Sex and the. Masser et faire la masse par un masseur. Et Samantha, qui est la chaudasse de la bande, les meufs, elles lui disent, vous avez jamais testé Carlos pour les massages, parce qu'il masse très bien, et il va en profondeur et tout, il dit, de quoi? Et moi, je me suis pas fait sauter, j'y vais. Donc, elle y va, et le mec la masse, elle voit que le temps il passe et qu'elle se fait pas baiser. Donc, au bout d'un moment, elle lui met la main au panier, elle se fait virer du salon de massage et tout. Et la meuf qui tient le salon, elle dit, vous avez pas honte de profiter d'un genre d'employé qui essaie de gagner sa vie. C'est magique, parce qu'il étrange tout, ce fait. Mais c'est marrant, parce que j'ai jamais vu cette série, mais je crois que celui-là, je l'ai vu. Par hasard, tu sais, en zappant. Mais tu te rappelles pas, quelque chose, mais on s'endormait, c'était non, trop bah non, mais non, mais arrête un peu de délirer, là. Jamais il s'est passé quelque chose, ça va pas bien. On se faisait des mamours. C'est ça, alors là. Je voulais que je te masse, deux, comme à l'épisode. En deux, les barman ou barmaid. Ouais, normal. Barmaid, je peux comprendre que ça excite. Merci. Non mais pour les mecs, une fille derrière un comptoir. J'ai connu une barmaid, elle était très sympathique. Tu vas reprendre tout ce que je dis, Pierre, ou tu vas fermer ta gueule derrière un gros mâchoire. Il est dyslexique aussi, pareil avec moi. Non mais attends, tu sais que les barmaids, le vrai problème, c'est que, et c'est rare, hein, parce que non, c'est rare qu'elles baisent. Hein. Je l'aime. Je bossais en boîte un peu et tout vite fait, et toutes mes copines barmaids, elles étaient toutes maquées de ouf et tout, et jamais elles se tapaient un client. Par contre, tu les voyais derrière le bar. Moi, je suis son mec. Mais c'est tu peux pas franchement moi ça allait me sortir avec une barmaid pendant 2-3 mois et c'était bien parce que pendant 2-3 mois pendant 2-3 mois moi j'ai sorti avec un barman aussi, t'es fou de moi et si, je mais c'est elles aguichent mais au final elles se font pas taper dans la mode. Ça dépend, non? Ouais, je sais pas. Ah, le mieux, véridique, cet été là, c'est pas qu'on prend en mode Saint-Germain une petite terrasse un peu hype avec Mika, et là la meuf qui se montre accessible, oh, et la tout. Pute, là. Une grosse pute, tout ça pour avoir un pourboire, mais nicheleuse de ouf. Et elle est sympa, elle fait des vannes et tout. Et à la fin, on fait une carte, tu sais, globale. Je crois qu'il y avait 50 balles ou 60 balles, bref. Et la meuf, en fait, elle arrondit, mais genre à 10 euros. 8 euros de plus. Et elle se prend 8 euros de pourboire. Genre, c'était 52, elle a dit, bon, allez, donc, alors, comme 60. Ça, on fait 60 et je me fais 8 euros de pourboire. Mais c'est vrai ou pas? Mais oui, je t'assure que c'est vrai. Tellement bonasse, on était avec Dylan qui est là derrière la vitre, là. Et eux, ils payent comme des cons. Ils payent, alors on paye tous comme des cons, et sauf que moi quand même j'ai le réflexe de dire à la fin, je suis oh mais attends c'est abusé, donc ça veut dire que c'est toi qui nous impose ton pourboire, alors autant que tu fais des vannes avec nous c'est elle cool. La petite américaine là-bas il sait d'office. Ah non non mais elle était super sans gêne en fait. Elle fait mais non mais comme ça c'est cool, comme ça j'ai mon pourboire, on est content, puis en plus pour vous ça fait un chiffron. Je mets un chiffron mais pas 8 euros dans ta poche, moi, connasse. Ouais, mais tu lui as un chiffron, tu alors, lui as dit, à foutre. Ouais, non, moi je lui ai dit mais j'ai payé comme un connard quand même. On essaie de toucher les sommes payées. Ça marche pas. Mais oui, c'est trop tard, tout le monde paye. Moi si je paye, je vais pas faire l'enculé, je vais pas faire un scandale. Oui, mais tu aurais pu dire quelque chose. Ça se fait mais pas. Je lui ai dit, ouais. je lui ai dit, mais une fois qu'elle avait encaissé, c'est même pas qu'elle a fait non, elle reprenait son truc avec une petite dernière vanne, puis elle se barrait, quoi, elle s'en foutait, quoi. Et la meuf était bonasse, mais aguicheuse, michetonneuse, et au final. Ouais, mais au final, celle qui se remplit les poches, c'est ça. Voulait, en gros, quoi. C'est ça. Et attention, le numéro 1 maintenant, c'est les danseurs et les chorégraphes. Danseurs, danseuses. Ah bon? Avec lesquels t'as le moins de chances de terminer ta vie, puisqu'ils vont aller un moment ou un autre voir ailleurs. Je suis tombée amoureuse. Ça, je trouve ça improbable. Pourquoi? Danseur, danseuse. Ah bah attends, t'as des danseurs et des danseuses. Eh mec, les meufs qui sont dans les boîtes et qui sont en train de danser. Oui. Ah bah en clubbing, je croyais danseuse et toi. Oui mais c'est danseuse. Danseur, danseuse. Ouais, la profession, c'est-à-dire table dance. Mais t'as pas le droit normalement. Mais si. Quand t'es danseuse, t'as pas le droit de t'envoyer en l'air avec. Mais non, mais on parle dans leur vie perso aussi, hein. Non, en fait, ouais, elles vont pas, du coup, les danseuses. Oh merde. Elles vont pas. Rester 1000 ans avec un mec. Voilà, elles vont pas finir leur vie avec le mec. Je m'étouffe, les gars. Avec qui tu veux qu'on fasse? Va boire. T'as à boire, bande de connards. Bah, enfin, t'as une bouteille à côté de toi. En fait, c'est que du cinéma, tu sais. Alors que Mickaël, elle aimerait beaucoup boire, lui. Non, ouais. Tu vois, elle attend pour boire juste pour qu'elle tousse, et que tout le monde se rende compte qu'il est au bord de ses touffes. Le connard, il était gratos, hein. Ah ouais, là, ouais. Parce que tout à l'heure, quand tu m'as traité de pute, c'était pas gratos. Ouais. J'avais failli. Allez, chut. Donc, moi, les mecs qui font des comédies musicales, ils m'excitent. Ouais. Mais pas en France, hein. Bon ben voilà, Julien. Julien, comme ça, tu sais maintenant quel métier tu dois vraiment cibler. Voilà, c'est parfait. Ben voilà. Hein. Merci, bien Julien. Trouvé. Tu peux lui dire merci à Mickaël, tu vois, il t'a donné les combines. Donc tu vas dans tous les cours de danse, ouais, et tu poses les affiches de ton site. Voilà. Des courriers. On pourra le mettre sur nos Facebook. Non, même dans les boîtes, barman, tu sais, masseur, etc. Bah vas-y, mec, hein. Ouais. Fais-toi plaisir. Bon bah Julien, merci à toi d'être passé en tout cas. Tu reviens quand tu veux, d'accord? Au passage, je viens de créer un petit code promo pour les auditeurs de Goom avec le code Mickaël. T'as fait un code promo fort. C'est combien le code promo du coup alors? Moins 50%. Mais ah donc 2 euros. Voilà. Si tu mets le code est Mickaël, bon bah c'est cool. Oh, il est bon en market, hein. C'est pas mal. Mais c'est pas il est bon, il va réussir sa vie. Bon, répète le nom du site encore. Alors, c'est 3 euros, c'est pas cher. Largueparcourrier.com. Largueparcourrier.com. C'est pas mal. On peut la chouer une bonne fois, là? Je vous aime. Je parlais des auditeurs. Voilà, Emily est en train de mourir. Voilà, c'est terminé, hein. Reste non, in peace. J'ai un, tu sais, les graines de sésame qu'il y a sur les nougats, là. Mais on s'en branle de ta vie, là. Ferme ta gueule et coupe ton micro quand tu tousses. Oh, la gratuité. Oh, la Pierre, gratuité. Il dit la vérité, mais en le faisant passer pour une blague. Alors, ouais, écoute, c'est parce qu'il a pas de couilles. C'est quand on la baise, Emily. Oh. Attends, écoute. Ça, c'est quand tu m'as baisé, on a rien entendu avec ta petite bite. Oh, ça vole bas. Oh bah mec, là, c'est très dur. Ah bah là, ouais. Mickaël, bon. On a Romain. Oui, bon, on va le prendre dans un instant, d'accord. Romain. Non, ça dérange pas, parce qu'en plus, il est même pas dans le standard, Romain, donc c'est parfait, là. Oui, il est dans le standard. Non, il est en bleu, on peut pas le voir quand on est en bleu. Ah ben le corps, tu fais quoi là? Ah ben non, parce que tu vas dire de l'appeler en antenne. Et d'ici, mais si bon, tu allez, d'ici, allez, vous allez gérer ça, vous allez gérer votre bordel là en antenne, c'est pas grave. On va se faire une petite pause maintenant et puis on va revenir juste après avec qu'est-ce qu'on va mettre comme son? Pink, on l'a déjà mis. Hero Soprano ouais. Avec Hero, bougez pas, on arrive juste après ça, restez là. Le son de Sopra à l'instant, Soprano avec Hero sur Goom Radio. Il y aura Peter Luz aussi qui débarquera d'ici quelques instants. Nelly aussi avec Just a Dream et puis on mettra un petit son de la cave aussi tout à l'heure. Ce sera dans moins d'une heure. D'ailleurs, dans moins d'une heure, il y aura également le Corsica Show. Et le Corsica Show, ce sera également tout à l'heure. Voilà, on aura aussi. On va peut-être appeler maintenant le gagnant ou la gagnante là pour My Chemical Romance. Ah, je peux donc. L'appeler. De quoi? Je peux lui dire. Tu peux dire quoi? Déjà, tu vas lui mettre ton micro parce que sinon, on t'entend mal. Je peux lui dire qu'elle a gagné. Ou qu'il a gagné. Oui, bah si tu veux, oui. Bon, on va l'appeler. Il n'y a pas de souci. Ouais. Oh, Marie-Jo. Faut arrêter le Ricard. Ah putain, j'ai trop peur. Attends, ça va venir. Non, parce que... La régie composée, on est en mode Julien Courbet. Je vais applaudir. Et pendant que la régie compose le numéro, Monique est toujours stressée. Toi, t'es toujours 5 numéros. On y va, le Corse. Allez. On appelle le gagnant, là. Eh oui. Ah bah oui. J'attendais ton feu vert. Ah bah, il est vert, là. Ton feu est vert. En tout cas, il est pas rose. Oh, c'est petit. Oh. Il est comme ton petit gilet. Allô? Émilie? Amy? Oui? Mais t'as appelé ta soeur ou quoi? Tu fous de notre gueule? Mais non, attends, excuse-moi, elle reconnaît ma voix, elle m'entend tous les soirs. Ouais. Mais, genre, c'est ma soeur, c'est une auditrice. Ah bah, je sais pas moi, tu voulais absolument l'appeler toi, tu vois, c'est parce vous, que je l'ai eu tout à l'heure au standard et j'étais fière d'avoir ma première personne au standard. Et quand j'ai décroché, elle m'a dit, c'est Émilie? Elle m'a reconnue, ça m'a fait plaisir, donc je suis contente de lui dire qu'elle a gagné ses places pour My Chemical Romance. D'accord, lundi. Ok, très bien. Bon bah voilà, t'iras voir My Chemical Romance sans Émilie. Ah oui, parce qu'elle peut pas être partout, elle peut pas être à la radio et là-bas. Dommage, dommage. Bah oui, mais bon. J'aurais bien aimé, mais je suis contente que tu y ailles, Amy. Bah c'est gentil. Arrête de serrer le poing quand tu dis ça, Emily. On c'est sent ça. Que elle a la rage. Elle a la rage. Je suis contente pour toi, y a pas de problème, ça me fait plaisir. Bon, bah voilà, Emily. Et voilà, pardon, Amy. Je pense au fait qu'elle n'ira pas, Yonk. Ah là, mais putain, t'es ravie de me faire du mal, toi. Bravo, Amy. Ta poupée vaudou va prendre cher ce soir. C'est pas grave. Bon, allez, gros bisous, Amy. À bientôt. C'est Amy. Gros bisous, à bientôt. Bisous. Allez, ciao. Et 0 à 55 64 13 24, si vous voulez bah nous appeler. Vous n'hésitez pas, hein, vous faites donc le 0 1 55. Mais pourquoi tu raccroches au nez le Corse, la Provrami, là? Il faut qu'on prenne ses coordonnées, tout ça. Bah, là, c'est un numéro, là. Oh, mais t'as un numéro de patch. Ah, enfin, le Corse, lui, il hésite pas, il raccroche, on n'y a rien à foutre. Oh, attends, c'est comme si c'était lui qui payait, c'est la communication. Oh là, tout à l'heure, il y a un auditeur, cher, il m'a dit, je lui dis, attends un peu et tout, ça faisait 45 minutes. Il me dit, t'es sûr que je paye pas? Je dis, non, non, et Ben, il me dit, oui, hein, c'est un appel normal. Je dis, bon, bah, je t'enverrai une facture avec, Bah, tu peux envoyer, hein. Le port. Toutes les factures. Une note de frais, c'est lui à ouais, m'envoyer une note ouais, de frais. Ouais, une note de frais, après, si tu veux, il n'y a pas de problème. Tiens, il y a Audrey qui dit, Émilie, tu veux que je t'appelle, comme ça, tu seras au téléphone. Moi, je veux bien, j'aime bien faire le standard. Pourquoi pas? Aurélien qui dit, hey, les gars, vous croyez qu'on est amnésique? Arrêtez de mettre tout le temps les mêmes musiques, c'est lourd. Oui, bah, Aurélien, c'est le concept de la radio, hein. Si tu écoutais des musiques différentes, tu mets dans un iPod. Hein? C'est ça le concept au final. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que tu n'es pas toujours connecté ou, par exemple, toi, t'es là maintenant, mais ça se trouve, t'écoutes depuis 3 heures, donc t'as peut-être écouté plusieurs fois le même morceau. Mais un autre mec qui vient d'arriver et qui voulait entendre le son de soprano. Bah, il va pas attendre 4 ou 5 heures qu'on le remette. Ben non. Donc on peut pas faire plaisir à tout le monde. Donc c'est pas la peine de dire remettez les disques plus souvent, parce que si on met les disques plus écartés, vous allez dire ouais, mais on entend jamais notre disque préféré. Donc du coup, ouais, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Y a, j'ai un petit message à passer. Fleur, il faut pas qu'elle s'inquiète, hein. Le message est passé. Elle a gagné ses places hier soir. Ah pourquoi? Parce que le corps aussi lui raccroche au nez. Ouais. Ah d'accord, ok. Non, ouais, je fais une erreur une fois, ça, et je raccroche au nez de tout le monde. C'est ça. Bah ouais, bah écoute, apparemment, si elle le dit, bon. Et on aurait pu avoir Madonna dans l'émission, mais tu l'as raccroché aussi. On aurait pu. Ouais. Bon, et puis sinon, je tombais sur une autre info aussi assez bizarre. C'est, deux amants qui étaient complètement déchaînés, qui se sont envoyés en l'air dans un restaurant Pizzeria Express, c'est en Angleterre. Quelle sous horreur. Les yeux des passants. Mais ils étaient au taquet, c'est-à-dire qu'ils ont même pas fermé les volets ni quoi que ce soit, en fait. Ils pouvaient être vus à travers les vitres de la pizzeria. Et donc, bah, du coup, il y avait plein de monde qui était devant le resto, en train de mater à travers la vitrine. Les mecs, ils ont rien vu. Et ils faisaient quoi, là? Bah, ils étaient en train de baiser. Oh putain, ça arrive tout le temps. Il y a ça. Un témoin qui raconte, nous avons supposé que c'était un couple du membre du personnel qui s'est laissé emporter. On sortait d'un club. Quand on est passé devant le resto, le gars avait son pantalon sur les chevilles. Tout le monde était estomaqué. L'endroit était bien éclairé et on avait une vue magnifique sur la scène. Mais ils ont filmé. Je sais pas. Mais c'est obligé. Il y avait une bouteille de vin vide et 2 verres sur une table. Seule bouteille à deux et on est chaud comme des. Ouais, ça se trouve, ils avaient déjà cuvé toute la soirée, hein. Ouais. On sait pas. Hein. Et donc, il y a le porte-parole de la chaîne de pizza, hein, qui était choqué, qui a déclaré, nous prenons cela au sérieux et nous penchons sur la question immédiatement. Donc il va d'abord s'astiquer sur la vidéo, hein, c'est clair. Et après il va voir un petit peu ce qu'il peut faire. Il faut juste rappeler un dos là. Faut juste quand même dire que quand on fait des trucs dans une pièce fermée le soir là et qu'on a la lumière, les personnes peuvent voir en fait. Même si on pense qu'on voit rien à l'extérieur, nous, parce que la lumière elle porte pas, quoi. Ah oui, non, mais bien sûr, ah oui, donc oui. Ils sont quand même cons, non, mais eux ils se sont dit, bah c'est bon, les fenêtres sont fermées, c'est noir, mais en fait pas du tout, quoi. Ah c'est, bah non, tu vois très très bien. C'est même. Qu'à l'extérieur, c'est. Moi c'est je pas me balade tout le temps à poil chez moi et je fais pas gaffe et à bloc de vis-à-vis et il y a plein de vitres en face. Mais ouais, bah c'est bon, tu te fais filmer, photographier, tu mais finis non, sur le n'importe port. Quoi. Mais en revanche, ma soeur qui m'a appelé la dernière fois qui me dit, mais putain, mais vu que je te voyais tout le temps hyper à l'aise et tout, je me suis enlevé mon t-shirt devant la vitre et il y avait les deux mecs qui habitent en face qui se sont mis et qui ont dit, oh regarde, on voit ses seins et tout. Ah bah ouais, c'est obligé, ouais. Mauvaise scène, moi je capte pas, je m'en fous. Moi je m'étais fait capter en train de baiser aussi. Qui ça? Soirée fête de village, donc tu crois, parce que t'es bourrasse. Que tout le monde est bourrasse, sauf qu'il y a quand même des familles qui se baladent avec les gamins, parce qu'il y a les fêtes foraines et tout. Mmh. Et genre super pas tard, tu vois, genre 21h, 22h, t'as encore des gamins. On se planque dans un coin, on pense se planquer et tout, genre dans l'herbe à la fraîche et tout. Et en fait, au final, au bout d'un moment, on se capte qu'il y avait juste des mecs qui étaient en train de se taper une putain de barre de rire. Ah oui, d'accord. Juste au-dessus de nous. Je croyais autre chose. C'est les mecs qui sont en train de s'en mettre une. Ils étaient en train de se taper une queue grave. La dégueulasserie, la dégueulasserie. Bon, et si on faisait la journée internationale aujourd'hui, c'est quoi alors des porcs? Ouais, des porcs, parce qu'hier on a mis le début. Et... Ouais, c'est vrai, mais par une erreur, du coup. Par une erreur du monsieur en rose. T'étais pas en rose hier. Ah non, hier il était pas en rose, pas tous les jours. Ouais. Pas ouais. Tous les jours, pas tous les jours. Bon, allez, c'est parti, on y va, journée internationale maintenant des porcs. Oui, commissariat central, bonjour. Oui, bonjour, commissariat central. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi, je fais un exposé en fait sur le jargon qui s'est développé dans le langage courant. Et communément, en fait, la police, on les appelle les porcs. Vous pouvez expliquer pourquoi? J'en sais rien, monsieur, moi je vous me posais ça comme question. Parce que poulet, déjà, pourquoi ça, je sais toujours pas. J'ai appelé les fermes, ils savent pas. Pourquoi maintenant porc, ça, j'en sais rien non plus. Alors je me suis dit, je vais appeler un commissariat tout de suite, je vais être tranquille. Attendez un instant. Hein. Ouais, merci. Allô? Oui, allô? En fait, les deux réponses que je peux vous préciser, c'est concernant les poulets. Oui. Donc en fait, parce que si vous voulez, dans le temps, au niveau de Paris, la préfecture de police a été construite en fait sur un ancien poulailler. Ah d'accord, donc, d'accord. Bon, ça c'est déjà très gentil de me dire ça. Et pour les porcs alors? Ah ça, par contre, je peux pas vous répondre. Ça, on n'a aucune connaissance là-dessus. D'accord, ok. Parce que bon, peut-être que c'était sur une porcherie après. Ouais, j'en sais rien, monsieur. Bon bah ok. Bon bah sinon, je passerai pour prendre les documentations, sinon. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah ouais, le mec était plutôt courtois, hein. Ouais, mais c'est bizarre qu'il se casse les couilles à demander à ses collègues si vraiment c'était sur une poulailler, porcherie. Bah c'est ça, hein. Non, mais plutôt bien. Il était plutôt bien, sympa, mec. Hein. Bon, on aura l'appel coquin aussi tout à l'heure qui va débarquer, et puis on devrait avoir qui dans le standard du coup dans un instant. Benjamin, que nous allons prendre dans quelques instants. Donc ne bouge pas de là, Benjamin qui voulait réagir par rapport à ce dont on vient de parler justement. On va se mettre le son de Peter Lutz maintenant avec The Rain. Sur Goom Radio, c'est parti. Le son de Peter Lutz à l'instant avec The Rain. Il y a Hugues aussi qui envoie un message qui dit: au fait, c'est bien gentil d'avoir invité Matt Dusk, mais maintenant ce serait bien qu'on entende ses sons. Et c'est pas faux, effectivement, ouais. Je vais essayer de retrouver le son. Non, mais c'est vrai que c'était bien foutu en plus pour le coup, ouais. Donc, bon, si c'est pas aujourd'hui, on essaiera de vous mettre ça demain, vous inquiétez pas. Et Virginie qui a remis une photo. Oh, mais arrête, Virginie, de mettre le couple star avec Jared Leto quand j'avais posé avec lui. Arrête un peu, là. C'est pas le fait ou pas? Mais arrêtez, je suis pas gay. Je sais pas, peut-être que t'es bisexuel. Mais alors, un peu bourré, ça va. Ah oui, lui, t'inquiète pas qu'il est voilé à vapeur. Je sais pas, peut-être qu'il est bi, lui aussi, j'en sais rien. Ah, lui aussi. Je pense pas qu'il est gay parce qu'il s'est fait plein de meufs, genre Lindsay Lohan, Paris Hilton et tout, mais je pense qu'il est bi. Paris Hilton, ça par contre, c'est une erreur, je le dis, je fais quand est-ce que c'est Paris Hilton, quoi, putain. Ouais, mais je suis pour le délire. Moi, je l'ai vu une fois en boîte à Jean Lépin, mais je peux te dire, qui ça, Jared Leto? Non, Paris Hilton. Paris Hilton, mais vraiment, parce que archi bonasse, hein, quand même. Bon, tu en t'as mis avec Katy Perry. Montre-moi la photo en grand, j'irai Ted Mosby. De quoi, Katy Perry? C'est pas toi, là, avec Katy Perry? Ah, si, c'est possible. Tu me fais rêver, là, toutes les stars que t'as vues. Ah, ouais, mais j'en ai vu, putain, quand je réfléchis, là. Ouais, c'est avec Katy Perry. Non, mais là, je pense que c'est Ted, en fait. Mais arrête, mais par contre, là, ils se font plaisir. Sur le groupe Facebook, là, ils remettent code les vieilles photos. Oh là, Fredo. Oh merde, avec Fredo. Eh, vous avez vu le même sourire, hein. Fredo. Oh, enculé. Oh, les gueules. Eh, il y a 5 ans, il y a 5 ans. Oh, avec son vieux, des Pays-Bas, là. Ah ouais, avec son vieux. Oh, putain, là, c'est clair que t'es trop beau, là. Laquelle encore, là? Je sais pas, chemise noire, là. Oh, je me souviens pas ça. Ah ouais, putain, j'ai été une meuf, je me. Ça fait voir. Je me sens très bien. Oula. Bon, je la trouve pas la photo là. Oh là, tu fais mal, hein. Ouais, oh, mais attends. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi tu as dit il est peut-être gay lui aussi. En parlant qui Jared Leto. Non, je dis peut-être gay lui. Il y en a plein qui sont gays ou qui sont bi, tu vois. Non, bien sûr. Non, mais tu as dit lui aussi. Je sais pas. Je croyais que tu étais bi toi aussi. Ah mais non, mais pas du tout. Non, moi je suis hétéro, 100% hétéro. Hein. À ce niveau-là, je n'ai jamais essayé avec un homme. Je ne veux pas essayer avec un homme. Surtout un jour, pas. Oh là là, peut-être. Il faut jamais dire jamais. Surtout pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle te prend ça comme un bout de pain, la mienne. Oh, c'est un mec qui fait 500 balles. Il est à côté de moi. J'ai quand même fait ça. C'est beau. Non mais C'est les cheveux gris, moi, qui m'inquiète. Pour ça, ça doit être retouché, ça. Oh, mais là, t'es trop beau, quoi. Non, mais c'est retouché, ça. Ah non, mais j'allais commenter la photo parce que je. Oh, elle est relou. Mais pourquoi tu l'as décommenté? Tu viens de la voir. Moi, là, j'aimerais bien être que tu me prennes en sandwich avec Jared Leto et toi, Michael. Hein. Quelle horreur. J'aimerais bien manger un sandwich avec toi. Quelle horreur. Je crois que je préfère encore tester Elisabeth. Jared Leto en homosexualité. Bah, c'est parce que tu sais pas, je suis un coup d'enfer, chérie. Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Bon, Benjamin qui est donc avec nous maintenant. Salut, Ben. Je l'aime. Allô, Ben. Allô. Comment ça va? Ouais, ça va, tout le monde va bien dans l'équipe? Bah, ouais. Ben. Bon. Ben voilà. Ben. Bon, bah voilà, je vous appelle. Parce que. Tu nous appelles pourquoi, Benji? Dis-nous. Pour ce que vous avez dit tout à l'heure, vous vous rappelez quand même la lumière allumée et qu'on a des rideaux, on nous voit. Eh ben, ouais. Bah, moi, le problème, c'est que j'habite en face d'une boîte de nuit. Et j'ai pas de volet, mais j'ai des rideaux. Et le problème, c'est que quand... Ça fait ambre chinoise. Quoi? Ça fait ambre chinoise. Ouais, voilà, surtout le vendredi, samedi soir, parce que le reste de la semaine, c'est fermé. Mais bon, quand t'as 200, 300 personnes, 300 jeunes, on va dire, étudiants, lycéens, qui nous voient se balader à poil, moi et ma copine, c'est la honte. Mais pourquoi tu te balades à poil? Et parce que nous, on est un couple nudiste, voilà. On aime être à poil chez nous, quoi. Ah c'est ouais, excellent. Cool, quoi. Ouais, si je vais pas bouffer chez toi, il doit y avoir des poils dans les plats. Hein. Oui, bah voilà, c'est un dîner à poil, quoi. Hein. C'est bon, ça. Tu fais souvent des dîners à poil? Non, mais deux rideaux, un vrai rideau, quoi, tu vois. Genre, pas juste des rideaux blancs, mais des vrais rideaux, genre épais. Et ouais, puis, c'est ouais, pas grave, après, si t'es nu, ils le voient pas. Ce qui est bien, c'est que quand on a un gros, excusez-moi du mot, mais quand on a un gros braquemar, c'est bien de le montrer à tout le monde, quoi. Voilà. Ah ouais, donc ça te dérange pas en fait de montrer ton engin? J'ai une trop belle foufoune, mais j'ai pas envie que tout le monde la voit, quoi. C'est pas à moi que ça me dérange, c'est à ma copine, parce que ma copine est extrêmement pudique, elle est vraiment pudique, quoi. Mais elle est nudiste. Oui, elle se met à poil et elle est pudique. Ouais, c'est... Bah, en fait. C'est bizarre ça, une. Mais oui, c'est ça, parce que si elle est pudique, elle se met pas à poil. Ouais. Elle se met pas. En fait, je lui dis que personne ne la voit, parce qu'il y a les rideaux normaux, quoi. Donc elle se met à poil. Mais elle se mettrait pas à poil dans la rue ou sur la plage, quoi. Non, ouais, mais d'accord, ouais. Et en fait, t'as payé tes copains pour venir la voir, parce que t'es un gros voyeur, tu imagines la ville horreur. C'est comment le nom de la fille qui me parle là? C'est sympa. C'est Cécile. Non, c'est le Corse. C'était le Corse qui te parlait. Quoi? C'était le Corse qui te parlait. Ah, le Corse. Le Corse. Ouais, c'est le Corse. Est-ce qu'elle allait faire une vanne en plus? Mais non, c'était la vanne de trop. Non, j'allais dire, moi c'est Emily, mais je trouve ça tellement plus excitant de s'enlever des fringues et tout que de tout le temps se balader à poil et de se pécho. Non, mais d'accord, tu te vois passer nu toute la limite. Journée, au bout d'un moment, t'es plus trop excité, quoi. Si je se balader à poil, c'est que nous on le fait le soir, on fait pas la journée. Personnellement, dans mon métier, j'ai un métier plus une passion, je ne fais pas me balader à poil. C'est quoi tes métiers? De toute façon, il n'y a aucun métier, mec, où tu te balades à poil. Je te rassure tout de suite, à part un acteur porno, mais tout le reste. Non, mais déjà dans mon métier, j'aurais mal. Ça va, je vais me brûler la quéquette en faisant. Mais tu fais quoi, Benjamin? Il est cuistot. Je suis cuistot et je fais de la radio. Pour l'instant, je suis amateur de la radio. Oh, génial! Enfin, j'essaye de. Ah, mais reste dans la cuisson parce que. Tu bosses dans quelle radio? Une radio associative ou une petite radio, enfin c'est quoi? Ouais, c'est une radio associative, une radio de merde. Non, mais tu peux être une radio associative sans pour autant une radio de merde. Moi je commence, moi on m'a toujours dit de commencer bas et de finir haut. C'est bien. Non mais c'est bien. C'est comme après, tu peux commencer haut et rester haut, hein. Mais là je suis comme Koé, mais bientôt je vais venir au top comme Michael. C'est toi le futur animateur de MasterChef alors? Non, je déteste la cuisine, vous pouvez pas imaginer à quel point. Et pourquoi tu en fais ton métier alors? Bah en fait, je fais ça parce que comme ils recherchent beaucoup, bah voilà, je fais ça pour mettre de l'argent de côté. Et d'accord, pour pas être à la NPE et toucher les acédiques. Ouais, non, c'est pour mettre de l'argent de côté et puis aller faire le studio École de France ou je sais trop quoi, école de radio parce que c'est. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Okay. Ah, ça va, t'es jeune? Ouais, quand même. Mais tu sais qu'à l'école, tu vas devoir remettre des habits, hein. Ouais, parce que sinon, j'en connais un qui va pas supporter que tu te promènes à poil dans ses couloirs. C'est qui? Ah, quelqu'un. Le directeur de l'école. Voilà. Ah. Je pourrais prendre un mégaphone et aller dans le studio École de France et crier le nom de mon émission, puisque je le fais déjà. Enfin, je fais pas à poil, mais je sens que ça a déjà été fait, ça. Je sais pas pourquoi je. Oui, je sais, monsieur Youn, hein, je sais. Et c'est quoi le nom de ton émission, profites-en? Bah en fait c'est diffusé sur internet aussi, je mets mes podcasts sur internet. Bah vas-y, balance ton. Je peux faire ma promo, c'est vrai? Mais vas-y, dis ce que c'est, quoi. Bah, le nom de l'émission. Non, déconne, allez, raccroche. D'accord, salut, merci. Mais non. Bon, vas-y, dis, c'est quoi, c'est où? C'est Kick and Show. Kick and Show. Voilà, mon nom de famille, c'est Kick and, K-I-E-K-E-N. Ouais. Comme le show, ça, j'ai pas. C-H-O-W. Non, mais t'étais prédestiné, toi, de t'appeler Kiken. Kiken. Ouais, j'aurais quand même Kikette, quoi. The Kick and Show. Mais attends, mais tu vas dans des plages nudistes? Non, moi je suis juste nudiste chez moi, dans mon appart. Ah, mais t'es dans pas ta douche nudiste, comme tout le monde, alors. Donc t'es pas vraiment nudiste, voilà, effectivement. Je suis juste nudiste dans ma baignoire et dans ma douche, en réalité. Mais alors, comme tout le monde. Voilà. Et quand tu vas aux toilettes, t'es nudiste ou tu fais dans ton ben? Ah non, quand je vais aux toilettes, je suis nudiste, mais que le bas. C'est bien ça. Ouais, je vois pas pourquoi je ferais caca tout à poil. Oh, bah, t'as failli employer parce le verbe sens, chier. Ouais, tu te sens plus à l'aise quand tu chies bon, à poil. Gens, ah, je l'imagine au corps. Y a pas de problème, vous tapez l'adresse, c'est 3 double. Ah, oui. Je peux dire l'adresse? Vas-y. Vas-y, Ben. Oh, ça me fait plaisir. 3 double. Non, mais c'est vrai, je vais me faire plaisir une fois, j'ai 3 double. C'est quoi cet accent pourri, là? Bah, je sais pas, c'est un accent entre le belge et le pourrave, quoi. Ouais, bah, plutôt pourrave, alors. Merci, c'est très gentil. Ça me fait plaisir. Ah, bah, attends, je suis belge, je tu connais ça de Paname? Au bon accent. Hein. Bah, allez, c'est www.kiken-radio.skyrock.com. Très bien. Eh bah, écoute, le message est passé, alors, y a pas de souci. Ouais, merci, mais allez, c'était un œil, c'est sympa, c'est drôle. Eh bah, on va les voir, y a pas de problème, Benji. Bon, merci à toi d'être passé, tu reviens quand tu veux, d'accord? Bah ouais, pas de problème, je repasserai demain. Salut Benji. Allez, on va voir. Hein, c'est pas très bonne journée, plutôt. Allez, ciao toi, ciao, aussi. Ciao, à bientôt, bye bye. Bon, et puis si vous avez des messages à balancer, allez-y sur Facebook, par exemple, évidemment, facebook.com/emicalofficiel. Vous lâchez évidemment tous vos messages. On aura dans un instant Nelly. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre? Moi, j'aurais bien envie d'écouter... on pourrait écouter le live de Julian Peretta. Ouais, mais on le met souvent déjà, tant qu'à faire. Mais oui, mais on l'aime bien, et tu vas voir, quand j'ai dit ça, tout le monde va marquer Julian sur les murs. Éventuellement, attends. Vous savez que ce soir, on est en train de rater Marcel Pagnol sur NT1. Au bagne, moi regardez, je peux faire au bagne les cigales. Mais coupe les micros directement, ouais, c'est dur là. Au bagne. Stop. D'accord. Bon, mais Nelly, Just a Dream. Ah, vous m'avez cassé les couilles avec ça. Hop là, Nelly, Just a Dream maintenant et on revient juste après. Énervé. Allez, bougez pas, on est de retour. C'était Nelly à l'instant avec Just a Dream sur Goom Radio. Tous les soirs entre 20h et 23h, on est là en direct avec vous dans une demi-heure maintenant. C'est le Corsica Show qui va débarquer sur l'antenne de Goom comme tous les soirs. Donc vous balancez encore vos messages. De quoi? Tu nous stops pendant qu'on chante au bagne et tu laisses un Corsica Show durer 10 minutes. Non, il est plus court là maintenant. Il est plus court. Mais tu vois, on peut avoir des surprises avec le Corsica Show. Ça peut parfois être drôle. Avec au bagne, c'est chiant de tous les jours. C'est pas gentil, Michael, parce non, que c'est gratuit, relou, hein. C'est méchant, alors que les auditeurs le réclament. Non, c'est relou. Hein, et c'est la parole je au dis. Peuple. Le non, peuple non, est non, roi. Non, c'est relou. Bon, plein de messages sont arrivés. Géraldine qui dit j'adore le son. Oui, bah c'était Nelly justement. On n'a pas encore eu Elisabeth aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, hein. Oh, pour une fois, on nous manque pas pour le coup. On va l'avoir, hein. On est plutôt bien. Oui, on l'aura tout à l'heure. Je m'inquiète pas trop à ce niveau-là, justement. Ouais. Et puis sinon, il y a un mec qui a une belle surprise. C'était très belle surprise. Émilie et moi sortis d'un gâteau. Non, c'était trop bien. Non, c'est un mec qui était en Belgique en l'occurrence à Dinan et en fait mi-2008, il est rentré pour une intervention chirurgicale rien de grave voire même limite banale, c'était une vasectomie. Donc c'est contraception pour les mecs définitif. C'est horrible, banal, mais... c'est pas banal quand même psychologiquement. Si, mais plein... Non mais psychologiquement c'est pas mais c'est vite fait quoi. Mais t'en as plein qui vont là, tu vois, tu rentres le matin, tu ressors le soir, voire même l'après-midi, la faire les pieds quoi. Oh. Sauf que en fait, il y a eu un petit problème technique au niveau du bloc opératoire et en fait le mec est ressorti de là circoncis. Oh bah ça va. Non bah enfin bon, le mec il a pas envie de circoncis. Mais alors c'est le cas de le dire, il va se faire les couilles en or le mec hein. Ah bah c'est ça. Parce que là il va porter plainte. Ouais. J'adore c'est le cas de le dire. Donc du coup les deux praticiens pardon, donc les deux chirurgiens donc bénéficient de la suspension simple du jugement, enfin bref. Donc en gros, ils ont 546 € d'indemnité. Quoi, c'est tout? Ouais, chacun hein, donc ça fait 1000 €. Enfin 1000 €, Si t'as pas envie d'être circoncis, ça te fait chier quand même. Hein. Bah non, mais attends, c'est rien du tout, 1000 euros. Bah ouais. Et au civil, les deux prévenus ont été condamnés à verser 1 euro symbolique. Putain, quel enculé le juge quand même. Alors d'accord, ça change pas ta vie. Ok, mais quand même. Ouais, c'est en fait, mais c'est parce que c'est pas dangereux ou que ça le handicape pas, quoi. Donc, bon, après, évidemment, s'il lui avait, à la place de lui faire une vasectomie, tu lui avais enlevé un bras, oui, bon, évidemment, je pense que là, il y aurait peut-être eu plus de problèmes. Non, mais t'imagines un peu la violence quand même. Oh, bah Elisabeth est là, tiens, justement, quand on parlait du loup. Allô? Allô? Allô, Elisabeth? Allô? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut toute seule. Salut, Elisabeth. Les papiers sont pas arrivés? Non. Ah, bah non, il y a rien eu là, tiens. Mais j'en suis sûre que. Ah, bah non, mais c'est la grève aujourd'hui, comment tu veux qu'ils arrivent? Non, mais ils font chier avec la grève. Comment vraiment ils nous saouler? Oh. Oh, bah alors, tu vas pas pleurer? Non, mais moi j'ai pas pleuré. Mais moi je dis vraiment que. Là, tu vas à la poste demain et tu les défonces tous. Mais moi, il mérite des baffes encore. Tu sais, mais tu y vas, sûr. Promets-moi que demain, tu vas à la poste, tu pousses une gueulante et tu frappes la postière. Ah ouais, mais ça, j'ai la... Non, mais en fait, c'est que le paquet, il est parti. Il est parti, mais il doit être à Sèvres. Alors moi, comment je peux aller ouais, à il est bloqué. Avec la pénurie d'essence, en plus. Oh là là là là là. Ah bah, c'est dur, hein, bah ouais, mais bon, ça, on l'aura jamais, alors, non, hein, le paquet, là. Mais si, il va arriver. Il va arriver. Alors, par contre, voilà, moi j'ai vu une ressemblance de Ben. Ben ? Ouais, notre Ben à nous. Ouais, avec qui ? Il ressemble un peu à Buzz l'éclair. un peu, c'est-à-dire le visage, un peu les rondeurs du visage. Vers ouais. L'infini et au-delà ! Non, mais si, sérieux. Hein. Par contre, Fredo, il ressemble un peu, un tout petit peu, mais. Bon, l'autre, il a un peu les cheveux courts. C'est un journaliste qui s'appelle Thierry Guerrier. Ah, je vois pas. Un tout petit peu, c'est léger. Alors, par contre, là, aujourd'hui, je suis allée sur le net. Alors, donc, j'ai vu comme quoi il y a des recettes à base de sperme. Ah bah, ça, c'est cool, alors. Et en santé. Ah, je croyais que t'avais trouvé les sosies de tout le monde, là. T'as cherché que Fredo et Ben? Ouais, mais... Il y a Pierre aussi, un tout petit peu, Pierre, une ressemblance avec Grégoire. Oh non, le chanteur. Comme il est. Oh, ça c'est dur. Hein. Non, parce que. C'est léger. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a du moitié Pierre, moitié Mika dedans. Oh, bah, merde. Tu nous vois vraiment comme des sales moches. Ouais. Et par contre, Michael, je crois, il a des ascendants chinois. Ouais. Mais oui, c'est vrai, les yeux. Ouais. Il est mongol, ouais, un peu. Il n'est absolument pas d'ascendant chinois. Non, mais Michael, il est hyper mignon et tout. Je veux pas qu'il change de coupe de cheveux. D'accord, tu changes pas. Il est bien comme il est. Ah, Michael, t'es beau. Non. Si, t'es beau. Non. Si, t'es beau. Non. Si mon bébé, t'es beau. Non, bah arrête un peu. Bébé, attends, enfin, Elisabeth. Bébé. Ah, c'est trop bien. Moi, je veux dire, comme quoi, les deux princesses, c'est plus joli, c'est Emilie. Et Cécile. Ouais, c'est pas vrai, ça. Salut, la ligne braille qui nous écoute. Merci, ma petite poulette. Merci, Elisabeth. Oh, et le coq, on dirait tellement un beau bébé joufflu et tout. Eh, tu l'as pas vu avec son pull rose? Alors, oui, alors revenons donc ma recette à base de sperme pour être heureuse et en bonne santé. Donc, c'est nutritif et savoureux. Oh, non, mais il y en a un qui a fait des recettes à base de sperme. Paul Fautenauer vient de publier un livre de cuisine vendu uniquement sur le web. Et alors, attends, où tu veux en venir là? J'ai pas très bien compris. Qui propose des plats à base de sperme. Ah, oui, d'accord, ouais. Ok, donc pour manger. Donc son livre Naturel Harvest, il présente 25 recettes, sauces et desserts. D'accord. Et d'ailleurs, il paraît que les fruits de mer et les poissons se marient très bien avec le sperme. Non, mais c'est ce que j'ai vu. Bah même le steak, hein. Steak puré, c'est bon, hein. Non, pas trop. Moi, j'irais plutôt plus avec les fruits de mer. Hein. Et donc, de la moule. Le sperme, c'est source de vitamine C et B12. Oh là là là. Mais pareil, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de vitamines dans le sperme. Vincent McDoom disait ça. Il paraît, hein, bref, je sais pas, mais... Que ça fait beaucoup de bien à la peau. Et donc, paraît-il comme quoi ça rendrait les femmes heureuses. Et les femmes ayant été en contact avec du sperme sont moins déprimées. Eh, moi, je pense, à mon avis, le corps suit ça doit être d'un mec bizarre comme ça, non? Ouais, alors, non, pas du tout. C'est ça, on kiffe, toi, de finir sur ta meuf, pas dedans, dessus? Non. Si. Et tu regardes qu'il arrête pas, et tu restes là tant qu'elle a pas tout fini. Ah, c'est ce que tu fais à ta meuf, toi. Putain, bah non, surtout pas. tu la traites bien. Mais je respecte, mais par contre, quand je joue au tapin, là. Pourquoi, tu es, quand tu te branles et tout, tu éjacules sur ta meuf et tout. Mais c'est non, dégueulasse. Mec. T'es con, quoi. C'est horrible. Et même, attends, il y a plein de couples qui le font, hein. Tant que c'est bien vécu, il n'y a pas de. Il n'y a pas de gêne, hein. Non, je trouve que c'est un manque de respect. Non, là où il y a du plaisir, il n'y a pas de gêne. Non, je fais pas ça, toi, Pierre, arrête. Mais non, je fais pas ça. Non, mais lui, il est pire de faire. Qu'est-ce que tu fais, le corse, comme truc, que tu. Non, sexuellement, un peu bizarre. Sexuellement, non. J'aime les beaucoup de positions, mais je fais pas de trucs. Ça me. C'est un manque de. Enfin, pour moi, c'est un manque de respect vis-à-vis de. Non, mais si ta meuf, elle demande, tu vois, parce que ça peut être. Si elle demande, je serais gêné. Tu vois, c'est la règle, et que dit, ah, vas-y, mets-moi plein la gueule. Non. Ah, tu dis non? Non, je serais gêné. Elle va dire quoi? Je suis pas assez bien pour ton sperme? Tu veux pas en mettre plein la gueule parce que je suis pas assez bien? Tu veux c'est faire quoi? C'est sale, comme vous parlez, mais c'est dégueulasse. C'est mais je suis sûr que vous faites les marioles, mais vous faites non, pas les carmes. Bah, je veux dire, ma copine, elle est pas comme ça, donc. J'aurais deux concierges. C'est sale. Ça, les deux concierges. Ah ouais, les vampes. Mais c'est tellement vrai. Les vampes. Et les trous de balles. Et les jacques dans la gueule. Nous, on est des filles qui vont mais attention, j'ai pas dit que c'est chez moi. Non, je dis simplement, je dis si sa meuf lui demande, qu'est-ce qu'il dit? Ma meuf, elle me demandera jamais ça. Non, mais parce et qu'elle, si elle parce que celle avec qui t'es maintenant, tu vas peut-être pas rester avec elle toute ta vie. Ça se trouve, t'en auras peut-être une autre. Sûr. Une autre qui va dire, ouais, j'ai envie que tu m'arrêtes plein la gueule. Moi, j'ai un pote. Il y a des filles qui disent ça. Oui, carrément. Cécile est quelqu'un qu'on connaît très bien tous les deux. Il finit tout le temps sur la gueule de toutes ces meufs qui. Il est dans qui cette t'a... pièce. Non, il est pas dans cette pièce. Ce n'est pas Mika. Non, je pensais à Emily. Mais... Non. Et il finit en fait, tout le Pierre temps est... sur la gueule de tout le monde. Ah, tout c'est le temps. Le mais Pierre est en train de parler de lui là. Non, mais je t'assure, non, mais je c'est le dirai. Mon pote Leroux, je vous le dirai, mais. Mais non. Ah, c'est pas lui, parce mais que lui, non. Je pense qu'il est vierge encore. Ah, je sais qui c'est. Mais ça me cela dit, et c'est une copine que tu connais très bien, une fille que tu connais très bien qu'on a en commun, adore s'en prendre plein la gueule. Mais attendez, je suis entourée de catins Emily, et de, ouais. Et de non, fous non, furieux. Non. Mais moi, j'ai une tronche à m'en prendre plein la gueule. Si. Mais si, la pote qui l'a élevé, Mika. Ah oui, ça commence par un D. Ah oui aussi. Non. Denis, c'est bon, on serait pas en détail là, on est largué là, on sait pas de quoi vous parlez. Mais ne parlez pas comme ça parce que tous les Michael sont beaux et ça m'énerve. Voilà, Michael, vous êtes pour moi des mecs avec qui j'aimerais bien. Ah ouais, bah il se passera pas. Mais hein. J'espère que jamais vous me ferez ça. Bah tu peux avoir Mika parce que c'est un homme facile. Non, Mika, il veut plus de moi. Oui, non, je veux plus. Mais oui, parce qu'il a déjà donné. Non, il a rien donné. Non, je vais donner de l'argent. Et les filles. C'est vrai qu'il a donné. Bon, Elisabeth. Les filles. Elisabeth. On va mettre les Black Eyed Peas. Attends, Michael. Quoi? Attends, parce que moi je voulais dire à Cécile et Emily, c'est quand vous venez à Grenoble, comme ça on va se faire un hammam. Un hammam. Écoute, en 2012, ça te va ou pas? Hein? Le 15 novembre 2012. Non, pas le 15 novembre 2012. Là maintenant, on est mais en. Mais leurs agendas sont complets jusqu'au 15 novembre 2012. Mais on a plein d'hammam à faire. Mais faire un hammam. Mais on en a déjà de prévu une semaine là dans on s'en va à Marrakech avec Émilie. Mais viens, on fait le moi, non mais le 3 Black Eyed Peas, rendez-vous en antenne. Le 3 décembre, le 3 décembre. Allez, bon Elisabeth, à tout à l'heure dans le Corsica Show, hein. On a pas dit ce qu'elle a dit. Allez, hop là, c'est parti. Bon, et on se met les Black Eyed Peas maintenant, le nouveau, c'est The Time sur Goom Radio. Go. The Black Eyed Peas à l'instant avec The Time à l'instant, le nouveau son des Black Eyed Peas avec The Time, on l'avait découvert. C'est la semaine dernière donc sur Goom Radio. Il y a une semaine vendredi dernier, je crois. Ouais, non, vendredi dernier, ouais, vendredi dernier. Après, effectivement. Les Bahamas. Bah non, j'étais à Cuba. Non. Non, t'étais aux Bahamas. Ah ouais, j'étais aux Bahamas vendredi. Cuba, ouais. C'était il y a deux Cuba, jours. Cuba, j'étais lundi, ouais. Je suis revenu mardi de Cuba. Voilà, mais j'ai regardé tout à l'heure sur le site là. Je suis pas prêt de partir là ce week-end. Je sais pas, je me tape. Tu pars où? Je sais pas, j'hésite encore. En ce moment, c'est l'Australie, tu disais aussi non, mais la Nouvelle-Zélande. Trop loin, j'aurai pas le temps. Non, on va au Chili. Non, j'aurai pas le temps. Mais peut-être que demain, je partirai vers, peut-être Miami. Alors, Miami, si t'es là-bas, moi, je peux te trouver une grande maison. Ma cousine est avocate là-bas et elle peut te recevoir. Ah, j'ai déjà parlé de toi. Il fallait commencer par là. Donc, elle est très contente qu'on vienne qu'on débarque ensemble. Non, mais si je suis tout seul, c'est pas grave, hein. Non, écoute. Et du coup, bon, bah, j'ai prévu le petit voyage. Mais d'accord. On peut y aller ensemble, on prend quelques photos au moins, je suis contente. En plus, il y a un grand lit et tout là-bas. Elle a une grande chambre, quoi. Ouais, bah, Pierre, je l'avais emmené une fois. C'était régalé. Ah ouais. Putain, quel coup d'enfer. Moi, je vous avais rejoint, c'était trop bien. Ouais. Mika, il était venu après, mais lui, il était parti avec une très belle américaine. Tout ça pour dire que demain, ce sera peut-être Miami. On se rêve une ville, hein. Non. Je sais pas, j'hésite. On verra bien. Non, je le sais. C'est pas dégueu, quoi, tu peux. Tu peux te le permettre, quoi. De quoi, Miami? Ouais. Miami, c'est les billets sont pas très chers. Hein. Non, c'est vrai. Quand tu réserves un petit peu à l'avance ou alors hors saison, c'est vrai que tu peux t'en sortir pour pas trop cher. Australie, en ce moment, c'est 1100 euros. Par contre. Ouais. Bon, on a, qui est là, d'ailleurs, maintenant? C'est, Shamsia. On va l'appeler, maintenant, Shamsia. Là, maintenant, c'est parti pour lui filer les places pour Bruno Mars. Allez, hop, là, c'est parti. Et le Corse qui s'en va de son quelqu'un. Tu dois chier ou quoi? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Shamsia. Très bien. Quel âge as-tu? J'ai 29 ans. Très bien. Tu aimes les sucettes, Shamsia? Quelle horreur. Et comme tu me dégoûtes quand tu fais cette blague. Est-ce que tu aimes les sucettes? Ouais, c'est vrai qu'il a un regard. Non, mais c'est la voix là, cette voix de nazière dégueulasse. Bah oui. On dirait dans Shining. Ouais, tu aimes les grosses sucettes? Tu aimes les lapins? C'était quoi la réplique? Allez, tu aimes les sucettes ou pas? Oh là, quelle horreur. J'adore les sucettes. Ah, mais tu vois qu'elle a mis les sucettes, tant mieux. Non, mais le Corse est en train d'appeler sa mère et son père, là. Le Corse, il a quand même laissé la porte ouverte. Il a, oui, alors donc, je rentre vendredi, là. Je pourrais pas être là tout de suite. Oh, tu peux dire à papa qu'il prépare la pizza. Oh, hein, putain, que je puisse manger la pizza. Hein, si c'est possible de manger la pizza. Ouais, il y a des attouchements. Alors, quelle horreur. Oh, c'est bon, horrible, Shamsia, des places pour Bruno Mars, ça te chauffe? Ah, bien sûr. Contre des sucettes. Oh, c'est l'horreur. C'est l'échange dégueulasse, là. Bon, ben, Shamsia, c'est gagné. On va te reprendre au standard. On va prendre tes coordonnées. Tout ça, d'accord? C'est super, merci. Je te fais des bisous. Gros bisous, bonne soirée. Salut, bonne soirée. Shamsia, à bientôt. Ciao. Bon, et puis, il y a Amélie aussi qui m'a envoyé un mail pour me demander que je remette un petit Three Days Grace avec I Hate Everything About You. C'est un son qui dit on m'a fait découvrir ce son il y a pas si longtemps et depuis bah j'aime bien. Voilà ma proposition. Ah bah Amélie, dis donc t'es bien en retard hein. J'avais mis ces morceaux là la première fois, je crois il y a 3 ou 4 ans ce morceau là en l'occurrence I Hate Everything About You. D'ailleurs, je vous conseille tout l'album de Three Days Grace, One X également d'ailleurs, et puis le dernier album de Three Days Grace qui est vraiment vraiment bon pour le coup. Bon, il y a un message Yahoo qui dit non, va dans Rétro Satanas de son pour As. Va dire Rétro Satanas. Ouais, mais ça oui, mais j'ai pas compris la fin de message de Hugues. Bah, je ne sais pas, ça me rend tant pis. Bon, il y a Lina aussi qui dit vous êtes la seule et unique famille virtuelle ou pas que j'ai. Oh, trop gentil, je veux bien ta sœur. Dépressive, il y a marqué après derrière hein. Voilà, et puis Gwendoline qui dit bah putain, passe de Black Eyed Peas que j'aime. Bah, il est bien pourtant là. Bah, il est très bien celui-là de Black Eyed Peas. Moi je trouve ça sympa. Non, mais alors il est très bien, mais c'est vrai quand tu l'écoutes, moi je l'écoute 10 fois par jour là, je commence à avoir un petit peu marre. Ouais. Bon, moi ça va, je l'écoute pas 10 fois par jour, donc de ce côté-là, je suis tranquille. Par contre, si t'en as marre alors que ça fait qu'une semaine, t'es pas dans la merde hein, je te le dis direct hein. Oui, mais après je vais continuer à aimer quoi. J'espère. Bon, et puis hier soir, c'est l'équipe qui avait pris plein la gueule avec les appels coquins. Ouais. Alors ce que je propose, c'est qu'on remette celui d'hier où effectivement toute l'équipe en a pris plein la gueule et après il y en a qui m'ont dit ah Michael t'es pas dedans. Bah oui, mais c'est normal. Bah oui, parce que t'es le chef. Bah voilà, c'est ça. Mais j'en avais eu un spécialement pour moi il y a quelques semaines. Ouais, c'est pour ça. Voilà. Qu'on bon, on remettra les deux. Allez, d'abord celui d'hier, écoutez. Non, d'abord celui d'hier, j'ai dit écoutez, hop là, t'as vu, je l'ai reconnu la sonnerie. Ouais. C'est fort ou pas? La sonnerie n'était pas un là, c'était un ré dièse. Parce que regarde, celle-là n'est pas la même. T'as vu? Pharmacie Centre, Franck, bonsoir. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, monsieur, j'ai un petit renseignement à vous demander. Oui. C'est une amie qui a. Mon amie qui s'appelle Cécile qui a des problèmes de gorge. Oh, quelle horreur. Oui. Et elle a des maux de gorge et elle voudrait avoir des pastilles. Oui, bien sûr, elle vient et puis on lui donnera. Voilà, mais alors mais elle pourra pas expliquer ce qu'elle a en fait, c'est ça le problème. Oui, bah, je sais pas, vous lui marquez pastille pour la gorge et puis on saura ce que c'est. D'accord. C'est un mal de gorge en avalant, c'est ça? Mais ouais, mais bon, en avalant du sperme aussi. Ouais. Et donc, elle vous le dira jamais que c'est à cause de ça, quoi. Ouais, bah, c'est pas un problème, on lui donnera quelque chose. D'accord, mais donc ça veut dire que si elle vient et elle dit bonsoir, c'est Cécile, directement, est-ce que vous aurez la psychologie de lui mettre ce qui lui convient et pas juste un truc pour la gorge? Parce qu'elle est pas malade, c'est à force d'avaler du jus. Hein. D'accord, ok. C'est pas vrai. Hein. Voilà. Pas de problème. Et elle s'en prend aussi plein le cul. Bon. D'accord. Quelle horreur. Voilà. Vous voulez la baiser ou pas, mon ami? D'accord. Allô, pharmacie Chantal-Bré, oui. Oui, moi. Est-ce que vous pouvez me dire si l'acidité du sperme, ça peut décolorer les cheveux? Si l'acidité peut décolorer les cheveux, à mon avis, non. À votre avis, non? Oui. Donc ça veut dire que mon amie Émilie, elle risque rien si je lui jouis sur la tête? Non. Parce qu'elle vient de se faire une permanente et elle me dit non, ça va me décolorer mes cheveux, pas sur ma tête. Bah, faites pas sur la tête alors. Ouais, bah donc je lui fais pas sur la tête, on est d'accord, on sait jamais, hein. Avec la permanente, c'est différent, hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a des produits chimiques qui risquent de réinteragir. Donc ça veut dire que le sperme plus produit chimique, ça peut lui faire une sorte de décoloration pour le coup, donc elle a raison. Oui, elle a raison. Donc il faut surtout pas que je lui jouisse dans les cheveux. Oui, exactement. Donc éventuellement peut-être dans la bouche, non ? Peut-être, ou ailleurs. C'est-à-dire dans son trou de balle ? Oh. Peut-être, oui. Et dans vous le vôtre ? Imaginez toutes les éventualités. Et dans le vôtre, madame, il est libre ? Non, le mien est déjà occupé. Pharmacie centrale, bonjour. J'ai mon ami qui a la pastille défoncée. Qui a quoi ? La pastille défoncée. Et il voudrait avoir une pommade pour le soulager. Bah écoutez, il faudrait qu'il vienne de lui-même. D'après ce qu'il me dit, il n'arrive plus à s'asseoir. Et ça, il va rougir, il ne vous le dira jamais, hein, qu'il ouais, se fait prendre... Il faut aller chez le médecin, on ne pourra rien faire là, si c'est à ce stade-là. Bah, c'est simple, mon pote Mika, il m'a dit simplement, j'ai mal vraiment aux fesses, à force de me faire prendre, et je voudrais une sorte de pommade. Et je vais essayer d'appeler une pharmacie, puis... Non, mais là, il faudrait quand même contrôler, donc nous, on n'est pas aptes à faire ça, il faut aller chez le médecin. Vous n'avez pas un truc pour soulager, juste un truc peut-être qui pourrait mettre un peu de fraîcheur à son derrière? Non, parce que je vous dis, il faudrait quand même aller voir le médecin. Mais il peut pas aller voir un médecin dans son état, hein. Ben oui, mais il lui donnera au moins un traitement adéquat. S'il y a une déchirure, s'il y a quoi que ce soit, il peut passer à côté de quelque chose de plus important. Donc il vaut mieux qu'il l'insulte. Parce que c'est sûr qu'il a une déchirure, à mon avis, hein. Oui, mais écoutez, je suis pas médecin, je peux pas vous en dire plus. Bon, en tout cas, s'il se présente au nom de Monsieur Rokia Mika, si vous pouvez juste lui donner une pommade, ce serait parfait, au moins une pommade. D'accord. Bah, merci. Merci beaucoup. Merci, hein. Au revoir. Merci, au revoir. Espèce d'enfoiré. Voilà, donc ça c'était. Les prénoms et les noms de famille, quoi, ouais. C'est dur. Ça c'était hier, du coup, apparemment, moi j'ai pas eu. Ouais. J'ai pas eu la dose, paraît-il. Non, ah, bah attends, je dis pas trop vite, hein, s'il est capable de. Tiens, ah non, mais j'en avais un, il m'en avait fait un il y a quelques ouais, semaines. Ah, vrai, et quand vous aviez demandé de réécouter, enfin, pas forcément demandé, mais quand vous avez dit, ouais, bah t'es pas dedans, bah du coup, si, à un moment j'ai eu ma dose aussi. C'était tellement drôle, celui-là, c'est un de mes préférés. Ouais. Je suis tellement perturbée que par Pierre que l'autre jour j'ai appelé un dentiste qui est juste en haut, là, à côté de la boulangerie. Et donc je demande et tout un rendez-vous et la secrétaire me dit attendez il y a un petit rigolo là qui fait que appeler, il m'insulte et tout. Et d'un coup je dis il s'appelle pas Pierre, elle me dit non il laisse pas son prénom et j'ai oublié de te demander, t'as appelé un dentiste? Ouais mais bon dans les départements Ah t'as pas appelé en haut là? Non jamais assez. Ah non. Voilà parce je pourrais le faire mais bon. Parce que je pensais que c'était toi et la fille me dit non mais vous le connaissez? Je dis non c'est juste pour savoir parce que j'ai un copain qui fait quelques blagues téléphoniques quelquefois. Ah, mais j'ai aucun souci avec les autres, si j'ai un souci pour un truc que je suis pas coupable, là ça serait très dur. Mais tu viens de me chercher pour prendre. J'ai demandé, j'ai donné bien sûr ton nom de famille, ton adresse. Bien sûr. Non, j'ai un ami qui s'appelle Pierre Crête, il le faut aussi, mais je pense pas que ce soit vous. Bon, allez, on va s'écouter maintenant mon petit passage que Pierre m'avait fait dans un appel coquin, c'est parti. Allô ? Allô ? Salut, tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui, je vais bien. T'as eu ma description ? Non. Moi, je m'appelle Marie. Ouais. Je suis rousse. J'ai les yeux verts. Je suis 1m70. 95D. Ouais. Un cul bien bombé. Ouais. Une chatte épilée intégrale. Parfait. Et je suis soumise. Ah bah nickel. Et toi, t'es comment ? Moi, je m'appelle Michael. Je suis brun. Je suis d'origine portugaise. Ouais. Et j'ai un très très gros sexe. T'aimerais qu'on se fasse un bon petit 69 ? Non, je voudrais vraiment te sodomiser tout de suite. Je la mets dans ma petite bouche. Un petit peu. Quelle horreur. Avant ? Ouais. Ouais. Elle est bonne ta queue, Michael. Ah voilà. Oh. Michael, mets-moi là dans mon cul. Tu veux ? Ah oui, Michael. Ah, je te la mets là. Ah oui. Ah, je te défonce. Les Portugais en force. Portugal. Ah, les Portugais sont les meilleurs. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Ils ont des bonnes queues. Ils ont des bonnes queues bien poilues. Ah, oh, ils sont bien chauds. Ouais. Ah, merci, Michael. Bah, de rien. C'était normal. Non, c'était dur, c'était très très dur. Mais le pire, si c'est ta femme qui écoute ça, tu vois. Ouais, mais c'est ça, ouais. Non, mais bon. Et Laura qui dit, ah oui, c'était horrible. Anne qui dit, Marie, t'as la chatte épilée intégrale. Qui? Quand, ça ouais, elle dit ça, elle dit au début. Ah, elle dit ça au début. Bon petit cul bombé. Ah merde, j'ai pas vu. J'ai dépilé l'intégrale. D'accord. Et je mets quand même un doigt dans la bouche. Ouais. Elle est bonne ta queue. Quelle horreur. Qu'elle a un doigt horreur. Dans sa bouche. Et Audrey qui dit ça, arrêtez, ça me donne envie de gerber. Camille qui dit elle est dégueulasse, la meuf. Et alors Hello qui dit mets-la-moi dans le cul, je ris. Ouais, bah c'est sûr, elle va rigoler, ouais. Bon allez, on revient dans un instant. Ton nom, on se met là. De quoi? C'est qu'elle dise ton nom. Excuse-moi, qui est trop drôle en fait. Mais c'est moi, ah, ça me fait trop rire parce qu'elle dit Mickaël, mais voilà, dans le cul, mais ça peut me faire rire très longtemps. Qu'est-ce à dire, le Corse? Non, je me mets à la place si ta femme écoute ça. En même temps, j'ai pas de femme, donc à ce niveau-là, on est tranquille. Mais c'est pas grave en soi, c'est de la radio, hein. Ah oui, c'est. Ouais. Ah oui, pas de souci. Bon, allez, on revient dans un instant. Bougez pas, on se met la pub derrière le son de Three Days Grace avec I Hate Everything About You. Le son de Three Days Grace à l'instant avec I Hate Everything About You. Canon. Sur Goom Radio. Très bien, effectivement. Ouais, bah, merci Amélie, tiens, qui me l'a rappelé. Sinon, je l'aurais peut-être pas mis forcément ce soir. Donc merci à toi Amélie. Bon, alors on va se faire péter le Corsica chaud maintenant à 22h52, c'est l'heure, là c'est parti, on y va, allez hop là, on y va. C'est notre dire le Corsica chaud. Le Corse est sur Goom Radio. Eh oui, comme tous les soirs sur Goom Radio Le Corse, voilà. Eh ben, j'espère que vous allez bien tout le monde. Ce soir, pas de dédicace et on va passer au premier auditeur, Anthony. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien. Ça va? D'où tu viens? D'où tu appelles? D'où viens-tu? Ben, je suis encore du côté de Cambrai. Ah, du côté de Cambrai. Tu étais déjà passé, non, dans le Corsica Show, me semble? Non. Ah, c'est toi, c'est pas toi, mais c'est un autre Anthony, alors. Alors, tu as appelé pour faire passer un message, c'est ça? Ouais, un peu de la part de Maureen, en fait. D'accord. De Maureen, d'accord, oui. Une auditrice. Oui, on la connaît bien, elle est très gentille, Maureen. Ah, bah, justement, elle disait que Cécile et Emilie étaient très belles. Oh, merci, Maureen, elle dit qu'on est belles. Merci. Bah, ça fait plaisir, parce que si on les écoute, ici, on est des mochetés, des grosses qui servent à rien. C'est pas vrai, ça, faut arrêter. Mais merci, Anthony. Pourquoi tu les trouves belles, toi, Anthony? Oh, bien sûr. Toi aussi, t'es le premier à le dire, le Corse, qu'on est trop belle. Mais quand bah, on va boire un verre ensemble, tu belle. Le dis. Hein. Non, mais j'ai pas dit que vous étiez pas belle. Je lui ai demandé si Anthony vous trouvait merci belle. Merci Anthony. Merci Anto. De rien. Voilà. Et sinon, le Corsica Show, tu as pas laissé des messages sur la page Facebook là dernièrement aussi. Comment? Tu as pas laissé un message sur la page de Facebook, le Corse de Goom. Bah si, parce qu'en fait, ça fait pas longtemps que j'écoute. D'accord, voilà, oui, j'ai compris, c'est bon, maintenant je vois ton visage. Ok. Attends, laisse-le parler, il disait quelque chose. Et ça fait pas longtemps qu'il écoute, et? Et en fait, je savais pas qu'est-ce que c'est le Corsica, donc je demandais en gros. Ah, il veut que tu lui expliques à quoi sert le Corsica. Aujourd'hui, on ne sait pas tout, on ne sait toujours pas, hein. Ah, je voulais savoir ce que c'était le Corsica Show. Ah non, parce qu'en fait, ça fait pas longtemps que j'écoute, donc Bah le Corsica Show, c'est un Corse qui est sur Goom Radio, voilà, tout simplement. Okay. Et avec des auditeurs qui peuvent intervenir, puis il y a des auditeurs assez bizarres qui m'appellent, qui m'insultent. Bon, je prends ça sur le ton de la rigolade. Voilà, c'est un ensemble d'auditeurs puis de messages qui passent pendant 10 minutes. Voilà. Ok. Ben, écoute Anthony, je te souhaite une bonne soirée. Je te remercie d'avoir appelé. Ton appel m'a fait très plaisir. Et puis, qui sait, peut-être à bientôt dans le Corsica Show. Y a pas de souci. Voilà, bonne soirée. Bisous, Anthony. Anto. Ciao, ciao. Ciao, Anto, gros bisous. Ah, Gaspard. Allô, Gaspard, alors, comment vas-tu? Ça va? Ouais, ça va. J'ai une blague encore. Hein, ben voilà. On attend que ça tous les soirs. Ta blague, ouais. La blague de Gaspard. Tu sais que Gaspard, je t'adore énormément. Moi, tu sais qui je préfère? Gaspard Huliel. Gaspard Huliel? Ouais. Ah bon? Ouais, il est beau, mais il est pas drôle, lui. Si, voilà. Si, il est drôle. Non. Si, si. Mais on sait pas. Donc, si Gaspard, non. Il est Léon. On connaît pas. Gaspard, c'est quelle est ta blague de ce soir? J'ai vu sa voix. Alors, qu'est-ce qui a quatre pieds et qui est ouvert et qui pue le sperme? Je ne sais pas. C'est peut-être René, non? Non. Ah, d'accord, je non. Au hasard. Eh ben, c'est le billard de Bill Clinton. Elle est marrante, elle est drôle, très drôle. Tu ris pas beaucoup, hein. Non, mais c'est parce que je suis un peu enrhumé que le sourire ne vient pas. Voilà. Ah, t'as pas fait rire, non. Non, c'était sympa. Sérieux, c'était sympa. mais demain essaie de faire mieux. Non mais c'est, oui, non c'était bien. Voilà. Okay. Gaspard, je t'embrasse, je te souhaite une bonne soirée, puis à demain. À demain, ouais. Ciao ciao Gaspard. On a G, bonsoir. Bonsoir. Alors G, pour vous expliquer, enfin si c'est toi, c'est toi qui t'occupes de ma page avec Sandra, c'est ça? C'est ça. Ah, voilà. C'est G-Goum. C'est un bon, c'est un bon. Il va nous appeler les cagoles dans deux minutes. Peut-être. Ça va, G? Ça me fait plaisir de t'entendre. J'avais jamais entendu ta voix, tu as une belle voix. Bah vas-y, demande-lui son numéro de téléphone. Ben, je l'ai un peu son numéro de téléphone. 86, 32. Non, non, non, non, non. Non, sérieux, non. Bon, sinon, comment ça va? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Ouais. Tranquille, tout doux, ouais. Tu avais un message spécial à nous faire, à faire passer sur, dans le Corsica Show? Ouais, c'est en fait c'est juste pour faire une petite demande des retours des hôtels du Daily Live. Des retours du Daily Live. Du Daily Live. Non, des hôtels. On faisait des hôtels dans le. Oui, c'était Daily avec Mika et Marina et Nico. Voilà. À bon. L'époque. Mais le Daily Live aujourd'hui c'est Ben et Gia. Ouais, bon. On peut faire ça chez Mika ou à Trotsma Stinam, non? Oui, mais on a d'autres jeux aussi drôles. Ouais. Ok. Mais avec, mais voilà. Écoute, tu verras ça avec Mika. Voilà. Mais écoute, G, ta demande a été entendue. Voilà. Moi, ça m'a fait très plaisir, comme je t'ai dit, de entendre ta voix et puis d'entendre un son sur qui est G de Goum et puis continuer à t'occuper comme tu fais très bien de ma page. Voilà. Et je fais une dédicace à tous les goumeurs et goumeuses qui t'écoutent ce soir. Voilà. Ah ben super. C'est trop cool. Gentil, G. Voilà. Eh ben, on voilà. T'embrasse, G. Bisous, mon G. Bisous, les cagoles. Ciao. Ciao, ciao. Et on a Antoine qu'on a eu hier dans le Corsica Show. Antoine, ouais, bonsoir. Bonsoir, le Corse. Comment tu vas, mon ami? Et toi, mon ami, en forme ou pas? Ouais, écoute, ça va. La journée était bonne ou pas? Ouais, un peu de glandage par-ci, un peu de glandage par-là. Bon. Il tu, faut glander, tu travailles c'est pas bien. Tu travailles pas? Non, ben là, je suis en vacances, moi. Ah, tiens, eh oui, c'est vrai. C'est les vacances de la Toussaint. Exact, c'est les vacances. Ouais. Ouais, alors moi je voulais juste parler ce soir pour dire que ce soir encore l'expertise du Corse a été excellente. Il avait des bonnes répliques, une voix bon magnifique. Je sais pas, il était parfait. Il y avait même pas de mots pour dire comment il était. Mais t'es sincère? Comment ne pas être sincère avec le Corse? Je veux dire, il est toujours sincère. Moi, je suis sincère avec lui. Eh ben c'est très gentil. Ben décidément, ce soir il y a que des gens qui attends, je vais te faire enculer par René dans pas longtemps. Non mais ça fait plaisir, tu vois, ça change un peu de René qui fait que m'insulter et ça me touche énormément d'avoir des personnes qui aiment le Corsica Show et qui aiment le Corsica Show et qui sont sincères surtout. Voilà, ben Antoine, ça me fait très très plaisir, sache-le. Et aussi Cécile et Émilie, je vous aime trop aussi, hein. Vous êtes trop belles, vous êtes trop magnifiques. Oh, quelle beauté. Par contre, il y en a une des deux qui est pas douée dans les jeux. Ouais, comme je suis en train de jouer sur l'iPad là, c'est dur. C'est Cécile qui est mauvaise. Je suis bidon. Oh, j'ai honte que tu me vois jouer là. C'est très très dur. Tu sais que l'ensemble de l'équipe est formidable. L'ensemble, c'est tous les cagoles. Ouais, ce sont tous des gens au top. Aussi bien Michael, tout ça. Ouais. C'est que Pierre et Michael et tout, ils n'arrêtent pas de vous insulter, Cécile, Émilie et toi là. Mais tu crois qu'on en a pas marre, nous? Bah, c'est pour ça que je. Mais t'inquiète qu'on se défend face à ces petites bides, va. T'inquiète pas, Antoine. Mais. En tout cas, ça fait plaisir. Ton message me fait vraiment plaisir. Je t'embrasse. Je te souhaite une excellente soirée. Bisous, Antoine. Continue bisous à Antoine. Écouter l'émission. Continue à écouter l'émission. Je t'embrasse. Très bonne soirée, Antoine. Ciao, ciao. On a René. René, voilà le meilleur pour la fin, je dirais. Non, je plaisante. René, bonsoir. Bonsoir, le Corse. Ça va? Ah ouais, ça va. Voilà. Nickel, bon, mais tu sais quoi, René, bonne soirée. Au revoir. Michael, je crois qu'on c'est terminé pour. Mais comment il fait le rebelle? Attends, j'ai quelqu'un qui prend possession de mon cœur, de mon corps. Ah, je t'encule le Corse. Je t'encule. Elle va te faire enculer le Corse. Voilà. T'es qu'un bouffon de mission, c'est de la merde. Il y en a un autre. Ouais, bah il était pas dans son verre ce soir. Pourquoi il était pas là? Alors, c'est de la merde. Le Corse, il a pas voulu le prendre. Oh bah d'accord. Non, j'ai pas dit je n'ai pas voulu le prendre. Il y avait déjà beaucoup de monde. Mickey, monsieur pour, Tu sais que en voilà. Tant que monsieur est, t'aurais dû virer quelqu'un d'autre du standard pour mettre monsieur à la place. Non, mais il a raison parce que tout à l'heure tu l'as dit. Non, moi j'ai rien. Voilà, voilà. Non, non, non, t'aurais dû prendre. Non, t'aurais dû prendre monsieur. Eh ouais. T'aurais dû. Tu vas te faire crever. Eh ouais. Demain t'es un homme mort, mec. Monsieur, c'est le principal. Passez une bonne nuit, tout le monde. On se retrouve demain à 20h pour la dernière de la semaine. Ciao. Et puis, et ouais, pour vous, ça va se finir les vacances aussi. Oui, mais il y a encore le week-end pour ouais, eux, c'est vrai de trois jours. Il y a le week-end aussi, effectivement. Allez, on se quitte maintenant avec Forest Movement. C'est Like a J6 sur Goom Radio. À demain, tout le monde. Ciao.